Crosby. Derrière à Aiguilla. Aiguilla vers Crosby. Here's a shot. And there's a made a wild stab for spell. Here's another shot. Fight by the door. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduit de partie, une émission qui vous parle de sport, de la Mauricie, du centre du Québec et de peu partout à travers la planète. Comme à chaque matin, comme à chaque lundi et vendredi, Philippe Doucet à mes côtés, ça va bien Philippe? Oui. Philippe, tu nous prépares une petite chronique soccer oui. ce matin. Donc, tu vas nous parler de la Ligue des champions? Oui. Est-ce que tu vas nous parler de la Ligue anglaise? Oui. D'accord. Ça va être ça ton contenu? Oui. Oui. Et à ses côtés, Marc-Antoine Lavoie. Ça va bien, Marc-Antoine? Ben oui, toi, Nicolas? Oui, tu nous prépares comme à chaque semaine ton bulletin de nouvelles. Oui, toujours. Aussi bien lu et bien. Ouais. Bien recherché. Oui, bien recherché. Toujours bien recherché, par contre. Pour le reste, on va avoir Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice qui va joindre à nous. On va parler des cataractes de Shawinigan. Cataractes qui l'ont emporté vendredi contre les Olympiques de Gatineau dans un gros match, un match de 4 points. Il va nous revenir là-dessus par rapport aux performances de l'équipe. Moi, je vous parle des Patriotes hockey d'un peu partout. On va parler des Universiades qui se sont terminées. C'était hier, avant-hier. On est le 7, oui, ça s'est terminé hier du côté du Canada. Peu importe la discipline. On va aussi parler de football. Hein? C'était hier le Super Bowl. Donc, JP Greening qui va joindre nous à la dernière demi-heure d'émission. On va analyser en profondeur ce match qui, les boys, vous avez aimé? Oui, j'ai pas aimé que t'es le seul à avoir eu la bonne prédiction, par contre. Mais... Ah ben là, écoutez, du talent, c'est du talent, les gars. Là. Fallait pas vous attendre à grand-chose en prenant pour les Steelers. Hein? Mais je suis content que les Packers aient gagné. Oui, moi aussi. Content de voir que le titre est de retour à Title Town. Donc c'est ça, JP, on va faire un tour et on va parler vraiment de ce match. Mais on débute l'émission avec, on a une invitée en studio. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors je présente Caroline qui est nageuse sur l'équipe de natation des Patriotes. Une recrue? Oui, de cette année. Verte recrue. Caroline... Tes résultats à date sont vraiment intéressants. On regarde je pense dans toutes les compétitions, tu as été chercher au moins 2-3 médailles dans tes disciplines. C'est quoi tes disciplines de prédilection? Surtout 50-100 libres, 50-100 papillons, mais je me débrouille bien quand même, tout de même aux 200 libres. OK. Puis écoute, toi, tu es originaire de Rouyn-Noranda. Oui. C'est bien ça, là. J'ai fait mes recherches comme faut, là. J'ai bien fait ça. C'est quoi un peu qu'est-ce qui t'a décidé? Là, toi, t'étudies en? En kinésiologie. OK, kinésiologie. Fait que t'es une fille sportive depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir à l'UQTR par rapport, je veux dire, des programmes de kiné? Il y en a un petit peu partout à travers le Québec. Qu'est-ce qui t'a poussé à descendre la 117 pour t'emmener vers Trois-Rivières? Premièrement, je suis ici, ça fait déjà 3 ans. Okay. Parce que j'ai décidé de faire mon cégep ici. Là-bas, il n'y avait pas vraiment de sport-études niveau collégial. Fait que c'est soit j'arrêtais, soit je continuais, mais ailleurs. Fait que j'ai pris la décision de venir à Trois-Rivières. J'ai magasiné les clubs, j'ai magasiné les cégeps. Puis j'ai trouvé ça bien ici. J'ai aimé la ville, j'ai aimé le club, le coach. Fait que... Au cégep, est-ce que c'était pas le club de natation du cégep, c'était de la ville? Ouais. C'est-tu les Mégafia qui appellent, c'est-tu ça? Ouais, c'est, okay. Là, c'est les Mégafias que j'ai décidé d'aller au collège qui avait un sport-études. Puis là, je voulais continuer à l'université. Puis je voulais pas changer de coach nécessairement parce que Patriote, c'est pas vraiment en phase natation vraiment. OK. Mais le coach est excellent, puis tu sais, je m'adonne bien avec. Fait que j'avais décidé de rester ici. Parce qu'on a quand même déjà eu une grande athlète ici du côté des Patriotes, Jennifer Carroll, qui a quand même participé aux Universiades, qui a frôlé les États-Unis. Moi, ce que je veux savoir, là, t'es de la natation, t'en fais depuis combien de temps? Ça va faire 11 ans. 11 ans. Puis là, t'as 20. Fait que depuis l'âge de 9 ans. Est-ce que tu t'attendais, quand t'es arrivé ici, quand t'es entré dans le niveau universitaire, tu t'attendais-tu à un calibre de la sorte? Tu t'attendais que ça soit meilleur? Tu t'attendais que ça soit plus facile? Ou en comparaison, c'est-tu le même monde que t'affrontes, que t'affrontais quand t'étais au collégial? Ou? Ben, collégial, il n'y avait pas de plume. J'étais okay. vraiment juste civile. Mais c'est sûr que la plupart des nageurs qui nagent universitaire nagent aussi civile. Mais le bassin de nageurs, disons, il y a vraiment pas beaucoup de monde universitaire comparé à civil. Fait que c'est sûr que le calibre est vraiment moins élevé. OK. Mais tu sais, les forts sont vraiment forts. Fait que c'est t'as les deux extrêmes un peu. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, si je comprends bien, tu te situes quand même dans les forts, là. Ouais. Ça a l'air à ça selon les résultats qu'on peut voir. Tu as aussi quitté Rouyn-Noranda à l'âge de 12 ans environ, je crois. Ans, tu fais 3 ans, t'as dit que t'étais ici. Ben, donc. J'ai cru. Ouais. Je t'avais pour mon cégep ici. OK, donc à Rouyn-Noranda, il y avait déjà un programme de natation. Et, ouais. OK, c'est ça. Ouais. OK. Tu vois-tu la différence entre la façon que ça fonctionne entre ici et Rouyn-Noranda ou c'est relativement similaire vu que c'est du civil? Ben oui, c'est pas différent, mais les coachs sont moins compétents, qualifiés, okay. Là, disons. Font moins ça à temps plein, peut-être, ou c'est juste... Oui, c'est okay. ça, c'est plus comme un emploi à... C'est un loisir, c'est un loisir, parce ouais. que... Okay. Mais tu sais, ici, notre entraîneur, il fait que ça, il est là pour nous, fait que tu veux pas, c'est sûr qu'on a une meilleure... Complicité aussi. Ouais, ouais. aussi. Ah donc, ça ressemble à quoi l'entraînement par semaine? On a en période régulière, là, parce qu'avant les compétitions, on diminue la charge de travail. Mais on a 9 entraînements dans l'eau, 3 muscu, puis 3 exercices. Par 3 semaine? Heures à sec, ouais. Oh boy! Ça veut dire combien d'heures, ça, par semaine? Combien de jours aussi? Ouais. Est-ce que vous avez des journées off? Ouais, on a le dimanche off. OK. okay. Puis sinon, on a 4 matins, 5 soirs. Ça fait 24 heures à peu près d'entraînement. Ça prend une bonne discipline. T'as-tu le temps d'accumuler un emploi à travers ça? Ben, je coach. OK. Ouais, je coach, mais c'est comme tout après mes entraînements. Ça se fait bien. Fait que toute ta passion, ça se fait dans le chlore, là, carrément. Là. Ouais, mais c'est vie, sûr ta que... Ta vie se déroule dans le chlore. C'est sûr que ça tente pas tout le temps, là, mais... Tu vis quand même à... Ouais. Tu sais, mais ça doit être un peu moins difficile que, j'imagine, aller travailler dans un dépanneur après ou... Ah ouais, c'est sûr. Aller vendre du linge, des vêtements. Puis tu sais de quoi tu parles, là, tu sais. J'enseigne à mes jeunes et tu sais, je sais de quoi je parle, je sais qu'est-ce que je veux, là. Et au niveau de ton cheminement scolaire, est-ce que tu suis le même cheminement que tes collègues de classe ou tu as un cheminement particulier pour le Patriote? À date, je prends le même cheminement, okay. mais je pense à peut-être allonger ouais. parce que ça devient difficile avec les compés et les entraînements. Mais à date, j'aimerais ça finir en même temps qu'eux parce que je veux pas, c'est le monde que tu vois tout le temps. J'ai fait mon cégep en 3 ans puis je trouvais ça plate parce que les deuxièmes ouais. années sont parties. Je me suis renseignée avec des plus jeunes, je trouvais ça plate un peu. J'aimerais pas ça refaire ça à l'université, mais on va voir. Là, t'as combien d'années d'éligibilité à la nage? J'ai-tu une... Et je sais qu'au hockey, tu peux jouer 5 ans. Je sais pas si à la natation, okay, c'est différent. Oui. À l'université, c'est 5 ans. C'est 5 ans, peu importe, ouais. que ce soit, peu importe le sport. Okay. Ouais. Puis là, la question que plusieurs vont me demander, où est-ce que ça peut t'amener? Tu sais, je veux dire, présentement, tu finis première, tout ça. Y a-tu des rêves de compétition internationale? Y a-tu où on est dans un niveau où, c'est sûr, on est plus habitué avec le hockey, tout ça, de je joue junior majeur. Ça représente quoi, le calibre et où est-ce que ça peut t'amener présentement? C'est sûr, au niveau québécois, tu sais, ça amène pas vraiment nulle part. C'est plus quand t'es rendu au niveau canadien, là, si tu vois une possibilité de faire des équipes puis aller à l'international. Ça devient intéressant. Ça, éventuellement, j'aimerais ça. C'est une chose qui t'intéresse? Ouais. D'ici la fin de ma carrière d'impatriote, j'aimerais ça faire une équipe canadienne. Mais, tu sais, c'est sûr, ça sera jamais comme le hockey, là. On veut pas, on n'est pas payé. Non, mais parce pas, que je te parle public, vraiment au niveau compétitif, au niveau de ce que tu peux atteindre. Mon lien avec le hockey était vraiment du fait que, tu sais, si tu me dis, non, dans le fond, ce que je fais comme calibre présentement, c'est un peu comme du junior C, tu sais, c'est pas, tu sais, il n'y a pas de chance. Tandis que toi, éventuellement, t'es comme en phase de développement où est-ce que tu pourrais t'en aller vers plus. Ouais. Mais, tu sais, il y a vraiment une différence entre civil et universitaire. Okay. Mettons, universitaire, VS civil, au Canada, c'est, mettons, civil, ça serait la NHL. OK. Puis, universitaire, ça serait, mettons, la Ligue junior majeure. OK, OK. Ben, c'était un peu ça que je me demandais. Ouais, qu'est-ce qui est le meilleur chemin pour accéder? Ou peut-être, genre, la Team Canada. OK. Tu sais. mais c'est pas aussi. C'est pas grave, c'est pas précis, là, je comprends. On comprend ton point, fais-toi-en pas, là. Mais OK, fait que les plus grandes chances que t'as, c'est de nager, ou du moins. Parce que là, tu nages-tu encore civil ou tu. Ouais. OK, tu fais les deux en même temps. Ouais. Ça peut-tu te favoriser pour t'amener un petit peu plus loin ou t'as-tu des rêves d'aller à compétition internationale? T'as-tu des. Pas des rêves, mais des. Olympiques. Des espoirs, peut-être? Ben, j'aimerais ça faire des équipes canadiennes. OK. Pas obligé. Tu sais, les Olympiques, c'est à tous les 4 ans. Si je fais juste un championnat du monde, déjà là, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Puis je crois que ça pourrait être à ma portée. OK. Mais tu sais, c'est sûr, d'après moi, ça va être plus facile universitaire, étant donné que le bassin de nageurs est vraiment moins élevé, là. Ouais, mais fait que les universiades pourraient être une idée. Ouais. OK. Mais la question est-ce que t'aimes ça les chemins faciles ou t'aimes mieux avoir une chance d'aller plus loin et continuer civil et percer pour justement faire un championnat du monde comme que tu le souhaites. Ben ça dépend là parce que c'est sûr que qu'est-ce qui t'a apporté, je le prends là. Ouais. Mais tu sais une fois que t'es rendu une place, tu te dis ben là l'autre est plus loin. Tu peux y aller aussi. OK, la marche, une fois que tu as fait une marche, tu as goûté. Une étape à la fois, mais les marches sont pas si hautes une fois que tu en as franchi une coupe. Puis là, tu te donnes quoi comme objectif dans les prochaines années? Prochaines années, j'aimerais ça faire l'équipe canadienne pour les universiades. Puis. Ça se décide comment? Faut-tu t'arrêtes l'université? Faut-tu que. Mettons, on dit oui, on te prend sur l'équipe canadienne, ça se fait. C'est-tu qui vous appelle tout d'un coup? Puis on. Ben, tout d'un coup, je veux dire, ils vous appellent de telle date à telle date, on est en championnat, mais pour le reste du temps, tu vis ta vie libre dans ton coin, ou ils vous emmènent tout dans un centre pendant, je sais pas, une période de 6 mois. Ils font les entraînements, tout ça, vous allez en compétition, mais une fois que la saison est terminée, tu reprends ta vie normale? Non, c'est plus la première option. OK. Tu te qualifies à une compétition. Ceux qui sont qualifiés retournent tout le monde s'entraîner dans leur coin. Et quand la compétition revient, souvent, il y a peut-être une semaine de stage que toute l'équipe se réunit, s'entraîne avec les mêmes entraîneurs, tout, à l'endroit où c'est situé. Comme cette année, c'est en Chine. OK. Ça demande quand même de l'adaptation. Fait que, ils vont sûrement aller là une semaine ou deux. Puis c'est l'été, fait que ça dérange pas les études, vraiment. Mais si chacun il retourne avec son entraîneur, se rentraîne, quand la compétition arrive... Fait que vous êtes libre de parfaire vos forces et d'améliorer vos faiblesses à travers le temps, dans vos coins et non pas en équipe canadienne. Parce que c'est ça, j'imagine que la formation d'équipe canadienne est tout le temps en train de changer, sauf quelques têtes d'affiche. Là. Ouais. De la façon dont tu me parles, là, ils vont aller choisir ça. Puis, OK, ben écoute, c'est le fun de voir qu'on a... On a de la relève en natation à l'UQTR, là. Je veux dire, la marche était haute, là. J'ai encore là, quand on regarde les records de plusieurs disciplines, c'est souvent Jennifer Carroll. Fait que peut-être que Caroline, tu vas t'ajouter à ça éventuellement. Ouais, ou du moins, on va te voir avec l'unifolé collé sur ton casque, de bain éventuellement. Ben, merci beaucoup de t'avoir joué, à nous ce matin. Merci à vous, merci. Fait que pour une fois qu'on peut donner un peu de couverture à d'autres sports que le hockey, que je veux pas, là. Ben, content, puis lâche pas tes bons efforts. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On s'en va à la musique, on va aller écouter Électricité du groupe Band de Garage, et au retour, on va parler de hockey, hein. Veux pas, on va tomber là-dessus, Universiade. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou! Yeah. Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Si ça vous tente de nous rejoindre, c'est le live à commercial inconduitdepartie.com, le blog inconduitdepartie.com tout simplement. Messieurs, je vous parle des universiades qui se déroulaient toujours en direct de Erzurum en Turquie. Les compétitions se terminaient cette fin de semaine du côté du hockey. Je parle du hockey parce que c'est le seul... la seule discipline où est-ce qu'on a un représentant de l'UQTR. Et bon, du côté de l'équipe du Canada, on devait battre en demi-finale samedi la Russie pour espérer, pour atteindre la finale, espérer jouer pour la médaille d'or. Ce n'a pas été le cas. Les Canadiens se sont inclinés 4-2 face à une excellente équipe russe. D'ailleurs, 4-2, mais il y a un but en filet désert. Donc, en réalité, ça s'est terminé, ça aurait pu se terminer 3-2 ou même espérer plus. Les marqueurs du côté du Canada, c'est Marc-André Dorion et Brendan McLean, alors qu'il restait en troisième période. Donc, on l'emporte pas du côté du Canada. On doit se rendre en demi-finale, finale consolation. Et c'est une victoire du Canada par la marque de 3-1 sur le Kazakhstan. Hey, d'ailleurs, on est habitué aux forces, là, le Canada et les États-Unis qui sont bons dans des compétitions internationales. Semble-t-il que ça marche pas tout à fait pareil pour cette compétition-là, ce qui fait que des équipes comme le Kazakhstan, le Bélarus étaient excellents. On l'a vu, on a manqué se faire battre par la Corée et on a manqué se faire battre. C'était quoi l'autre équipe? Le Bélarus qui nous a battu. D'ailleurs, le Bélarus s'est rendu en finale. Ok, je vais vous dire le résultat tantôt, mais c'est une victoire de 3-1. Les buts, c'est Maxime Langelier-Parra, c'est Yashar Farmanara. Et sur le but de, je pense, Farmanara... Non, je pensais que Charlin avait une aide, mais malheureusement non. Et Sonnenberg qui donne la victoire 3-1 au Canada. Le seul but des Kazakhs et des Kazakhs. Kazakhs, oui. Kazakhs, Phil, monsieur international. Effectivement. Merci. Est venu de Kachunin alors qu'il restait 10 minutes à la troisième période. Donc, c'était déjà terminé du côté de l'équipe. Donc, Charlin, dans ce tournoi-là, je pense, a été à chercher à peu près 3-4 points, là, à travers tous ces matchs-là. Donc, ça me paraît avoir été utilisé beaucoup. Je vais entrer en contact avec Francis d'ici, j'espère d'ici vendredi, savoir qu'est-ce qu'il a pensé de ça, toute son expérience à travers ça, parce que c'est bien beau le fait de pas jouer gros, mais il y a une expérience gigantesque à travers de ça. Ça me dit, de la façon dont on parlait, les universiades, c'est vu beaucoup plus gros, c'est plus gros comme événement en Europe. Ici, c'est une compétition, peu importe, mais en Europe, c'est vu comme beaucoup plus gros. Et donc, ce qui explique là, pourquoi peut-être on se connaît un petit peu moins là-dessus. Donc, c'est en finale, là, c'était la Russie contre le Bélarus. Ça s'est terminé 1-0 en faveur de la Russie. Donc, ceux qui ont fait tomber le Canada ont remporté la médaille d'or. Je vous dis aussi que les Canadiens, de leur côté, c'est une dernière dans les 11 médailles. Le Canada a maintenant 11 médailles aux Universiades, 3 d'or, 3 d'argent et 5 médailles de bronze. Chez les femmes, je vous en parle un petit peu, elles ont battu la Finlande 4-1 et ce qui leur a donné la médaille d'or. Messieurs, je vous parle, on va revenir au hockey. Là, on va parler de la CIS, on va parler des sports universitaires de l'Ontario. On sait, McGill manquait beaucoup de joueurs il y avait 3 joueurs qui étaient partis du côté des universiades et ça s'est répercuté. Carlton affrontait McGill 2 fois dans les 2 dernières semaines et Carlton l'a emporté les 2 fois. 3-0 samedi soir du côté d'Ottawa, une victoire des Ravens. Ce qui fait qu'au classement, les Ravens, avec ces 2 grosses victoires-là, inespérées un peu, sont maintenant en 2e position du classement avec une récolte de 36 points en 26 matchs. Du côté du 3e rang, c'est Nipissing qui est installé avec 27 matchs de jouer, 35 points. Et les Patriotes de l'UQTR viennent au 4e rang, 33 points. Par contre, on a 2 matchs de moins que Nipissing. Nipissing qui l'a échappé contre Toronto en fin de semaine, ce qui fait que ça pourrait leur coûter cher. Ils l'ont échappé 3-0, donc un match qu'ils auraient dû gagner. Parce que là, avec 2 matchs en main, ils ont 2 points de plus que les Patriotes. Mais on a le même nombre de victoires. Fait que les Patriots, s'ils gagnent, ont besoin de gagner un des 2 matchs restants. Ben, tout dépend. Si Nipissing gagne son prochain match contre Toronto, on doit gagner deux des trois derniers matchs pour finir automatiquement deuxième. Ouais, donc c'est ça. Par contre, du côté des Patriots, les matchs qui restent, c'est mercredi contre les Stingers, vendredi contre Carlton, ce qui va être très difficile comme défi, et finalement, on conclut la saison samedi contre les GGs d'Ottawa. Donc, du côté des Patriots, le destin est entre les mains. Par contre, du côté de Carlton, c'est eux qui sont mieux placés avec trois points d'avance sur les Patriots et un match en main. J'ai bien l'impression que les Patriots vont terminer au troisième rang. Et selon le classement est quand même serré, mais on viendrait probablement affronter Toronto ou Concordia. Peut-être Ottawa, là, c'est tout dépendant de ce qui va se passer dans les prochains matchs. Parce que les huit équipes qui vont participer aux séries sont déjà décidées. Ryerson et RMC ne sont plus en mesure d'atteindre les finales, le tournoi du printemps. Je vous parle, bon, top 10 masculin qui est sorti mardi dernier, donc je vous en parle parce qu'on n'en a pas parlé vendredi. Aucune présence de l'UQTR, ont reçu seulement 3 votes, donc ce ne sont pas classés. UNB premier, McGill deuxième, Western Ontario troisième et l'Alberta vient au quatrième rang. Donc du côté des Patriots, ça se déroule cette semaine, les trois derniers matchs et... De ces trois matchs-là, il y en a deux qui vont être diffusés sur C'est Fou. Premièrement, le match de mercredi va être diffusé en web diffusion sur C'est Fou.ca. Vous allez avoir le son et l'image du match. Donc, à moins qu'on ait des petits problèmes techniques, là, mais pour l'instant, on effectue des tests et tout devrait marcher pour ce match-là mercredi. Donc ça, c'est contre les Stingers mercredi, 19h30, en tout cas selon le site de la Ligue. Là, ouais. On semble, ce matin, tu nous disais, Marc-André, que peut-être le match à 19h... Marc-Antoine, excuse, je vais l'avoir d'ici un jour. Là. Roger. Tu me disais, Marc, que... Ouais, mais j'avais été voir sur le site de l'UQTR, sous l'onglet Patriote. OK. C'était 19h, je vais retourner bon, voir. Bon, je vais aller aux sources cet après-midi. Si on se fie au petit dépliant, oui. Patriote, février, mercredi 9, 19h, selon le dépliant. Bon, vois-tu, dépliant, selon le site de la Ligue, 19h30. Je vais faire mon enquête là-dessus, je vous reviens sur le sujet. Alors, on va parler soccer. Les Patriots disputaient deux matchs contre les formations de McGill, les hommes et les femmes. Du côté des hommes, c'est une bonne nulle contre les Redmonds qui occupent une place plus élevée au classement que les Patriots. La victoire va à l'affiche de Philippe Gendron. La nulle, plutôt, va à l'affiche de Philippe Gendron qui a réussi 11 arrêts alors que son opposant Matthew Gilmore a accordé 2 buts, seulement 3 arrêts. Donc, grosse différence. Les buts sont tous les deux venus du pied de Jean-François Fournier qui a justement été primordial dans la victoire, dans la nulle plutôt. Voyons, je vais finir par l'avoir. C'est une victoire morale, hein? On va y aller de même là pour essayer de fitter mes affaires. Donc, 2 buts pour Jean-François Fournier. Du côté des filles, ben, on a affronté les Martlets qui sont présentement premières au classement suite à ce match. Elles l'ont emporté, les Martlets, 1-0 face à l'UQTR. La défaite va à l'affiche de Stéphanie Rousseau qui a quand même réussi 8 arrêts. Une défaite de 1-0 contre les Martlets, ça reste un résultat vraiment correct. On peut faire avec ça du côté de la troupe de Justin Tapsoba parce que McGill, premier au classement, écoute, ils ont planté Bishop 12-0 l'autre semaine de s'en sortir avec, oui, c'est une défaite, mais de 1-0, il n'y a rien là. Je pense que les filles peuvent être fières. Au niveau du classement, bon, chez les femmes, c'est McGill en première position, Montréal et Sherbrooke en 2e et 3e position respectivement. Et l'UQTR vient au 5e rang, tout juste devancé par Concordia. Du côté des hommes, alors l'UQTR est présentement au 5e rang aussi, avec 1 point de retard sur Montréal et 3 sur McGill. Laval et l'UQAM occupent les 2 premières positions du classement. On va aller une pause, c'est ce qui conclut le rapport Patriote. Au retour, on va parler avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice des Cataractes de Shawinigan. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Très C'est Fou dans vos oreilles. 89. 1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, après le congédiement de Richard Martel, les Saguenay-Chicoutimi annonceront aujourd'hui que Guy Carbonneau sera le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. Il prendra la relève à Martel, qui avait effectué 8 saisons derrière le banc de l'équipe. Du côté de Gatineau, les Olympiques devront se passer les services de Ty McGinn pour une période d'au moins 4 semaines. L'attaquant a subi une fracture au pied vendredi soir contre les Cataractes de Shawinigan. Au hockey de la Ligue nationale, les Canadiens l'ont échappé hier face aux Devils par la marque de 4-1. Après avoir bloqué les 11 premiers tirs dirigés vers lui, le gardien québécois Martin Brodeur a dû laisser sa place à Johannesburg en raison d'une blessure à un genou. Après cette défaite, Montréal a donc raté sa chance de rejoindre les Bruins de Boston qui ont toujours 2 points d'avance sur le tricolore au classement. À Washington, les Capitals emportent 3-0 contre les Penguins de Pittsburgh. Brooke Leach, Mark Johansson et Mike Knuble sont les marqueurs pour Washington. Du côté de Tampa Bay, le Lightning l'emporte 4-3 face aux Blues de Saint-Louis. La partie s'est décidée en prolongation et c'est Vincent Lecavalier qui vient sceller l'issue de la rencontre sur un retour de Marc-André Bergeron. Dans la victoire, Stamkos a atteint le plateau des 40 buts. Et à Colorado, Peter Forsberg a signé un contrat avec l'Avalanche. On ne connaît pas les détails du contrat, mais l'attaquant de 37 ans aurait pris cette décision après avoir participé à l'entraînement de l'équipe dimanche. Le Suédois était maintenant absent de la Ligue nationale depuis 3 ans. Au football maintenant, les Packers de Green Bay remportent le Super Bowl contre les Steelers de Pittsburgh 31-25. Il s'agit d'un 4e championnat dans l'histoire de la concession. Le dernier avait été remporté en 1997. Et finalement, au sport universitaire, ne manquez pas la rencontre des Patriotes hockey de mercredi soir face à Concordia. La rencontre aura lieu au Colisée de Trois-Rivières à 19h et pour l'occasion, une navette sera à la disposition des étudiants à partir de 18h30 au CAPS de l'UQTR. Il y aura un concours d'association pour le meilleur fan. Voilà, c'était vos informations de l'inconduitdeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Il est présentement 9h41 et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sous les ondes de C'est fou. Il se joint à nous directement de Shawinigan, le journaliste de l'Hebdo du Saint-Maurice, M. Jonathan Robert. Ça va bien, Jonathan? Salut, Nicolas. Très bien, vous autres? Ben oui, comme d'habitude. Hey, Jonathan, les cataractes cette année, ben pas cette année, là, depuis quelques semaines, ça va de mieux en mieux. On est difficile à battre et on a prouvé tout ce qu'on pouvait faire contre les Olympiques de Gatineau vendredi dans un match match très important, match de 4 points là, dans leur cas. Ouais, ben effectivement là, et puis il faut dire c'était également un sixième match en 10 soirs pour les Cataractes. Alors le défi était d'autant plus grand. La veille, c'était une véritable varlope contre le Screaming Eagles du Cap-Breton, un match de 8-0. On se demandait s'il resterait un peu d'essence dans le réservoir des Cataractes et finalement là, elles sont parvenues à effectuer une belle remontée. C'était quand même là un pointage de 2 ou même 3-0 là pour les Olympiques et finalement là ça s'est terminé en prolongation. Alors ça a été en tir de barrage plutôt là, donc ça a été quand même là, tout un match de la part des équipiers dérivés. As-tu trouvé qui a fourni le pas le meilleur effort, mais qui a été le plus visible sur la patinoire du côté des Cataractes? Ben, à nouveau, c'est Dave Labrecque avec 3 mentions d'aide. Là, d'ailleurs, il aurait dû, Dave Labrecque, être au choix des étoiles. J'en fais mon meilleur coup de pas ce matin. Donc, on a quand même donné les 2 étoiles aux 2 gardiens de but et à Zach Harris qui a marqué en tir de barrage. Mais Labrecque, là, aurait dû quand même faire partie de cette liste des candidats-là. Alors, il a joué un autre bon match, Dave Labrecque, qui s'est réveillé, là, depuis, quand même, on le disait, là, depuis le challenge de Martin Mondou, il a répondu de la bonne façon et puis depuis ce temps-là, continue d'engraisser sa fiche personnelle. Et lorsqu'il engraisse sa fiche personnelle, ben c'est la fiche d'équipe là également qui en prend bonne note. Alors les Cataractes se sont réveillés au 6e rang du classement général samedi matin, une remontée de 2 positions. Il était quand même 8e là mercredi, monté au 7e rang après la victoire contre les Eagles et puis finalement en battant les Olympiques là, ont retrouvé le 6e échelon. Alors ça va bien pour les Cataractes. Faut dire que bon. Tu l'as mentionné, c'est un match de 4 points. Les 2 équipes étaient nées à nez au classement général avant la rencontre. Alors, c'était un match d'une importance capitale hier. D'ailleurs, les Olympiques qui ont perdu le time again pour une longue période, là, fracture au pied, Marc-Antoine. Ouais, hein? Fracture au pied. Ça va venir aider ça aussi aux Cataractes qui, quand on regarde le classement présentement, sont en excellente position. On est au 7e rang ce matin en vertu du fait que Acadie Batters a un point d'avance sur eux. Mais par contre, on a 2 matchs en main sur eux et sur Lewiston qui ont 72 points, donc il y a 3 points de différence, mais 2 matchs en main. Et on est en mesure d'espérer au moins. On peut venir chauffer les fesses, même au Voltigeur de Drummondville au 4e rang. Oui, tout à fait. C'est des matchs qui seront importants les prochains parce que c'est pas seulement le classement qui est en jeu, mais bien l'avantage de la glace en séries éliminatoires. Et ça, c'est le point le plus important. C'est pourquoi les Cataractes se battent. Oui, c'est toujours plaisant de dire qu'ils sont 4e, 3e, 2e rang du classement général. Toutefois, ce qui est encore plus important, c'est ça, c'est le fameux avantage de la patinoire. C'est là que ça va venir important et payant en série, surtout lorsqu'ils vont jouer des longues séries, des séries contre des équipes qui partent de loin. Donc souvent, on fait des séries 2-3-2. Exemple, s'ils affrontent, lançons ça comme ça, les Wildcats de Moncton, ce sera une série 2-3-2. Alors, ce sera important d'avoir l'avantage de la patinoire pour jouer le plus de matchs possible à la maison. Jonathan, là, du côté du calendrier des Cataractes. On est en action ce jeudi à Shawinigan et ce vendredi aussi, du côté du Centre Bionès contre Drummondville et Montréal. Ça sera pas 2 défis faciles là, pour l'équipe d'Éric Veilleux. Absolument pas. Toutefois, ils jouent du bon hockey depuis quelques temps. Les 2 derniers matchs face aux Voltigeurs de Drummondville se sont soldés par des victoires en tir de barrage. Alors, ce sera intéressant là de voir justement là, de quelle façon se présentera les Voltigeurs de Drummondville à Shawinigan. Faut dire que pour eux non plus, ce sera pas un match facile de venir à Shawinigan parce que ce sera très intimidant. Les 4125 billets ont déjà trouvé preneur. Ce sera la fameuse marée jaune. On en parle déjà depuis quelques semaines. C'est un coup marketing que les Cataractes veulent faire pour séduire le comité organisateur en charge d'octroyer la Coupe Memorial. Alors, jeudi, tout le monde là, sera bien en jambes au Centre Bionès. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça fasse la une de tous les journaux, les radios, les télévisions et compagnie pour le lendemain, alors que le comité Panto et son équipe là, sera en ville pour justement évaluer les installations de Shawinigan, que vraiment toute la ville en parle. D'ailleurs, du côté du comité, on a organisé un rassemblement spécial au Centre Bionès vendredi. Oui. Oui, c'est de 10 à 11 heures. Là, ils veulent vraiment que la cour du Centre Bionnet soit pleine pour accueillir justement le comité qui viendra visiter les installations. Alors, les joueurs des Cataractes vont être sur place. Il y a une espèce de tailgate là qui va être organisé entre 10 et 11 heures avec la musique, l'animation. Tout le monde qui se déplaceront entre 10 et 11 heures vont obtenir un billet gratuit pour un match là qui aura lieu plus tard en février. Donc, pour remercier les gens un peu là de leur participation, les Cataractes qui vont offrir un accès gratuit à un match. Alors, c'est vraiment là le but, c'est de former une immense aide d'honneur justement pour le comité, vraiment là, prouver qu'à Shawinigan, les gens sont mobilisés derrière la démarche de l'équipe là pour accueillir la Coupe Memorial en 2012. Les Cataractes, le service de marketing qui se dépasse depuis quelques années, la différence entre à l'époque, trouves-tu que c'est entre autres le fait qu'on est rendu avec le Centre Bionnet qui est venu tout changer un peu la dynamique alentour du club? Penses-tu? Ben, on dirait que des nouvelles installations, ça donne un bon petit coup de pied à la bonne place là, au niveau de comment tu organises tes choses. Et je pense qu'il y a seulement des félicitations qui peuvent être données du côté de l'organisation des Cataractes. Hey Jonathan, dernière petite nouvelle qui est sortie ce matin, semble-t-il que ça va être officiel, confirmé cet après-midi. Guy Carbonneau, Marc-Antoine. Communiqué de presse ce soir. Ce soir, donc, ça serait confirmé. Guy Carbonneau, de retour du Super Bowl, va prendre les rênes de la concession des Saguenay-Chicoutimi. Pas tellement surprenant. Non. Je dois avouer une déception, par contre, là, depuis le congédiement de Richard Martel, bien entendu, tout le monde spéculait à dire, bon, Guy Carbonneau sera le prochain entraîneur. Le lendemain du congédiement de Richard Martel, Roger Tremblay, du quotidien Chicoutimi, Timmy a été le premier à confirmer la nouvelle en disant c'est Guy Carbonneau qui va descendre derrière le banc pas plus tard que la semaine prochaine. Par la suite, tout le monde s'est enflammé avec ça et Carbonneau a continué de répéter, même à ses chums de CKC, Ron Fournier lui disait qu'il n'avait pas d'intérêt, du moins pour le moment, à descendre derrière le banc, qu'il visait un retour dans la Ligue nationale. Et là, tout d'un coup, aurait changé son fusil d'épaule. Alors, je pense que la décision était déjà mûrie dans le cas de Guy Carbonneau et je trouve ça un peu décevant là pour les membres de la presse là, qui se sont vus dire toute la semaine que le poste n'avait aucun intérêt pour lui et que finalement tout était déjà seté, si vous me permettez l'expression, seté à l'avance et qu'on attendait simplement que le Super Bowl soit fait pour prendre les rênes de l'équipe. Et alors, de ce côté-là, je trouve ça décevant. Pour le reste, je pense que c'est une excellente chose pour les Saguenayens de Chicoutimi. C'est un joueur là, qui a plus rien à prouver sur le plan joueur, le leadership et compagnie. Derrière le banc, quand même dirigé dans la Ligue nationale de hockey. Ça va attirer du monde également pour la curiosité. Vous voyez l'effet Patrick Roy, chaque fois que les Remparts viennent, oui, on annonce la visite des Remparts, mais c'est d'autant plus Patrick Roy et les Remparts de Québec, et ça remplit les arénas. Et je pense que Guy Carbonneau, même s'il n'est pas le même type, n'est peut-être pas aussi flamboyant, là, pourra quand même attirer du monde, ne serait-ce que par son nom. Ouais, puis ça va être bon pour la rivalité du parc des Laurentides aussi, ouais. Là, qui on est sûr que ça va pas mourir, ça va se continuer par rapport à quand Richard Martel était là. D'ailleurs, il va être différent probablement. Ça va être différent parce que Richard Martel était le genre, justement, si le match allait pas bien, à se lever sur la bande pour enguirlander un arbitre. Et là, du moment où les caméras tournaient, le spectacle reprenait. Mais là, c'est pas le même genre d'entraîneur. Là, on l'a vu lorsqu'il était avec le Canadien, moins flamboyant. Donc oui, la rivalité sera toujours là, mais ça va être décidément différent. Là, ça sera plus... Je pense que ça va être inégalable, là, ce qu'on a vu entre Richard Martel et Patrick Roy, lorsque les deux étaient debout sur les bandes pour s'engueuler d'un bout à l'autre de la patinoire. Richard Martel qui enlève sa veste et compagnie. Je pense que ça, là, on verra plus jamais ça. Stuff de junior qu'on appelle. Oui, effectivement. Mais je pense que c'est terminé, malheureusement. Carbonneau entre quand même dans une situation qui est plutôt excellente. Oui, le club est pas en très bonne position présentement au 12e rang, mais ça regarde bien pour l'an prochain, pour les Saguenayens. On a des jeunes joueurs. On a un club qui arrive à maturité pour les deux prochaines années. On a un Asselin qui est très bon, Gibson dans les filets. Je pense que ça sera pas très long que Carbonneau va amener des résultats. Il reste l'attaque à travailler, peut-être. Oui, comme tu l'as mentionné, le timing est excellent. Si ça va bien cette année, ils vont dire, Seigneur, c'est incroyable, il fait le travail, l'équipe est de retour sur le droit chemin. Si ça va mal, ils vont dire, c'est pas de sa faute, l'équipe, elle a déjà mal. Et puis l'an prochain, l'équipe, comme tu l'as dit, va être un petit peu plus à maturité, donc les résultats vont venir d'eux-mêmes. Donc dans une situation ou dans une autre, là, ça va être difficile de blâmer Guy Carbonneau d'ici la fin de la saison. J'ai bien hâte de voir. D'ailleurs, les Saguenayens, pour qui ça va très bien dernièrement, 3 victoires depuis le congédiement de Richard Martel, Marc-Étienne Hubert qui est là-bas, qui fait un beau travail, semble-t-il, et qui va accueillir son nouveau... c'était déjà son patron, mais son nouveau patron sur le banc, en plus, dans les prochains jours. Jonathan, je te remercie beaucoup de t'être joint avec nous ce matin. Sans problème, messieurs. Passe une belle journée. Toi aussi. Au revoir. Ouais. C'était Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Vous pouvez consulter ses textes à lhebdodusaintmaurice.com. Ne pas oublier le L en avant de Hebdo. Et d'ailleurs, Jonathan, j'imagine qu'il va faire une très bonne couverture de tout ce qui va se passer cette semaine. C'est une grosse semaine là, du côté des Cataractes, parce qu'on y joue un peu le nom de l'équipe au niveau du fait qu'on doit absolument impressionner les gens qui vont s'occuper de le comité de sélection de la Coupe Memorial, et on met tout en œuvre pour que ça réussisse. Et d'ailleurs, on va avoir deux gros matchs, deux matchs payants là cette semaine au niveau des guichets. C'est déjà plein pour Drummondville, c'est ce jeudi, et ensuite on reçoit Louis Leblanc vendredi du côté des Cataractes, le junior de Montréal qui va être en ville. Donc un gros nom comme Louis Leblanc, ça attire les foules. Ça va être deux très grosses journées de hockey du côté de la Cité d'énergie. Hey, on va continuer, monsieur, avec un petit peu de nouvelles d'un peu partout à travers le monde de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tout d'abord, du côté des Vultures de Drummondville, ils disputaient deux matchs cette fin de semaine, plutôt vendredi et samedi. Du côté des Maritimes, on s'est déplacé dans la région de l'Atlantique, du côté de Drummondville. Ils l'ont emporté vendredi contre les Rockets de l'île du Prince-Édouard, 5-1. Du côté des gagnants, bon ben on peut parler de la Jean-Philippe Mathieu, le défenseur qui a été ramassé 4 points. Donc félicitations à lui, c'est assez solide comme performance. C'est aussi Marc-Olivier Vachon qui a 2 buts. La victoire va à l'affiche de Dominic Graham et la défaite à l'affiche de Evan Mosher. Une partie plutôt solide côté robustesse, côté bagarre, beaucoup de pénalités dans ce match-là. Et du côté du président Evan Mosher, pour un gars qui joue pour une équipe, oui, vous me direz, c'est seulement des statistiques, mais pour un gars qui joue pour le Rocket de l'île du Prince-Édouard, qui, année après année, n'arrive pas avec beaucoup de résultats, on est présentement 11e du côté du Rocket au classement, une fiche de 2,86 de buts accordés, buts par match, buts alloués par match, et une moyenne d'efficacité de 0,916. C'est des super bonnes statistiques pour Mosher, qui est un gardien de 6 pieds, 186 livres, et qui, à ma connaissance, n'appartient à aucune équipe dans la Ligue nationale. Peut-être qu'un des boys peut juste vérifier pendant que je fais la même chose. Donc, du côté de Mosher, on est libre comme l'air. Lui qui évolue pour l'île du Prince-Édouard depuis maintenant 4 ans. Je suis curieux de voir ce qui va se passer avec lui, mais vraiment, Mosher devrait peut-être être regardé un petit peu plus par les autres par les équipes du circuit Batman. Sinon, je suis pas mal sûr qu'il va aller faire ses classes dans la Ligue américaine éventuellement. On va espérer pour lui que ça débloque, parce que les statistiques sont là pour montrer qu'il est capable de jouer. Le lendemain, c'était du côté d'Acadie Batters. Alors, on affrontait un gros défi du côté de Drummondville quand même. Acadie Batters pousse derrière les Voltigeurs, mais c'est une bonne formation. Et on n'a pas réussi à gagner du côté des Voltigeurs. On s'est fait planter 5-1. Les buts, bon ben du côté de Batters, on peut parler de l'excellente performance de Gabriel Lévesque, 4 points. Aussi Sébastien Trudeau qui a récolté 2 buts. Jérémy Blain, le défenseur, avec 3 passes. L'affiche, le gagnant, bon ben c'est Olivier Roy du côté de Caddy Batters. On a mis nos gros canons du côté des Titans et ça l'a payé. Alors que Guillaume Nadeau encaisse les revers du côté des Voltigeurs. Finalement, on s'en va, on passe d'une ville une ville du centre du Québec à l'autre, Victoriaville. Un seul match cette fin de semaine, c'était, je vous dis ça là, si ma page peut finir par ouvrir, c'est pas bien long, hein? Ah! Il y a toujours les mêmes problèmes. Ben non, c'est que j'ai mal fait mes affaires, moi là. Ce sera pas long, écoutez. Mais Victo qui jouait juste un match cette semaine, il en jouait juste un aussi la semaine dernière. Quand même, on est en mode repos. On a peut-être joué par contre pendant la semaine. Possible. Si je vous dis ça dans quelques secondes, ça sera pas très long. Ben regarde, en attendant les gars, vous pensez quoi de la venue de Guy Carbonneau derrière le banc officiellement là, je pense que c'était un secret de polichinelle que ça allait se faire là. Mais vous en pensez quoi? Moi je pense que Carbonneau va falloir. On l'avait vu avec le Canadien, il évoluait avec des. Il y avait des gros joueurs sous lui. Là, il va avoir des jeunes 16-20 ans. Niveau communication, il va falloir qu'il en fasse plus. Beaucoup d'adaptation de sa part, je crois. Ça va peut-être l'aider pour s'il veut faire plus tard, dans l'avenir, un retour dans la Ligue nationale. Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi. En fait, Guy Carbonneau, quand a quitté le Canadien, aurait pu reprendre le chemin rapide pour retourner dans la LNH s'il avait connu un peu de succès avec les moins de 18 ans. Ouais, mais c'est ça, je suis pas sûr que le chemin rapide il y avait aussi. Non, mais c'est ça, mais avoir connu du succès peut-être ça aurait pu, mais comme justement là ça a été très difficile au moins de 18 ans, forcé de retourner dans le junior puis recommencer à la base, recommencer à zéro, retourner en autobus, puis de toute façon, c'est son autobus. Puis donc, je pense que ça va être de quoi de très intéressant. Puis comme Jonathan disait tantôt, ça va amener une nouvelle dimension à la rivalité avec Québec. Ça va être très intéressant de voir là, ce qui va se passer là-bas. Les deux coachs qui ont gagné la coupe ensemble. Ça va être très intéressant. Pas nécessairement des grands amis non plus. Donc ça va être très très bien là, pour les prochaines années. On le voyait venir aussi du côté de Richard Martel lors de sa conférence de presse. Il a dit tout est en place pour un retour de Carbonneau. Ouais. Il veut pas le confirmer, mais il avait comme mis sa main au feu en disant je crois bien que ça va être Guy Carbonneau. Il voyait venir, comme on dit. Ouais, puis ça risque de relancer aussi la je le dirais pas l'équipe. Parce qu'on avait un changement à la direction. On avait beaucoup de difficultés là, du côté de Chicoutimi à remplir les gradins depuis quelques temps. Là, l'équipe qui allait un peu nulle part. Ça fait trois. On a scrappé un cycle, disons-le comme ça. Avec des mauvais repêchages. Puis tout ça. Là, donc, on a manqué le bateau. Et on va espérer le cycle, la roue vient s'améliorer, là, va tomber, va rouler plus rapidement là, à partir de l'an prochain. Mm-hmm. Je reviens sur l'éthique de Victoriaville qui, tu me parlais de seulement un match. Là, en vrai dire, ils en ont disputé un aussi vendredi. C'est juste que ça date un petit peu plus. C'était une victoire de 3-2 sur Cap-Breton. Et bon, on parlait des Saguenayens. C'est contre eux que les Tigres disputaient la victoire. C'était samedi. Du côté de Chicoutimi, du côté du centre Georges Vézina. Et c'est une victoire des Saguenayens, bien sûr, on dit qu'ils étaient sans défaite depuis trois matchs. Une victoire de 5-3 par les Saguenayens. On peut parler dans la victoire les meilleurs du côté des Saguenayens ont été Charles Hudon, le lien gauche, avec trois passes, alors qu'Alexandre Roy et Alexandre Lavoie, donc les deux Alexandre, ont récolté deux buts. La victoire va à l'affiche de Francis Desrosiers, alors que Antonio Mastropietro a récolté la victoire du côté des Tigres. Donc, au niveau du classement, on en parle un petit peu, là, Drummondville toujours au quatrième rang, Shawinigan au septième rang, et les Victoriaville, présentement, sont au neuvième rang, donc on se rapproche un petit peu, mais Vito est à 8 points de Gatineau. Il y a vraiment une bonne différence entre le huitième et le septième rang. Et bien sûr, toujours au premier rang, les Sea Dogs de St. John's qui sont imbattables, 91 points. On est sur une fiche de 15 victoires, une défaite en prolongation. C'est la fiche présentement là, des Sea Dogs qui, disons-le, sont l'équipe favorite pour remporter la Coupe du Président. Victo qui reçoit Shawi dimanche prochain. Nick, un petit tour dans le centre du Québec? Oui, on va se déplacer là, pour avoir maximum d'informations pour lundi prochain, l'émission d'Incontour de partie. Et jeudi, on va aussi aller couvrir le match entre Drummondville et les Cataractes. Je pense qu'on va pouvoir ramener des choses très intéressantes. Match qui devrait être très, très, très révélateur du potentiel. Quoique, j'ai vu le dernier match entre les Voltigeurs et les Cataractes, j'ai vu à l'œuvre et j'ai vu deux équipes extrêmement semblables. Les deux sont très capables de se battre une contre l'autre. Je pense pas qu'il y ait tant de différence que ça, malgré ce que le classement peut en dire. Et ça va être très intéressant. Et comme je disais, c'est une grosse semaine de hockey, peu importe. Là, les Patriotes mercredi, les Patriotes samedi, les Patriotes sont aussi en action vendredi. Par contre, c'est à Ottawa, ça me tente pas de me déplacer. Fait que non, monsieur, loin. Ottawa, là, surtout qu'il y a le match le lendemain, le match qui va être diffusé sur C'est Fou. Donc, on va plus faire nos devoirs au niveau de s'assurer que tout va bien aller. Parce qu'on ne l'a jamais fait. Ça va être une première sur les ondes de C'est Fou, un match des Patriotes. On espère que vous allez aimer ça. On va faire une pause. Au retour, on va parler soccer. Phil qui nous livre sa chronique. Foot. Donc, vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur C'est Fou. C'est fou dans vos oreilles. 89. La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Le se plaindre, les dents, les dents se montrent bien avant. Avant l'arrivée du salon, reprenant le sang chaud, sur les marrons, sur les montagnes, c'est pour foutre de ma main, ça va le pomme et c'était Sonny Duval avec la chanson Saint-Noir, Saint-Blanc, un petit peu de rock country, là, pour country rock plutôt, là, pour commencer le matin. Rockabilly. Rockabilly. C'est rockabilly, ça? Ben, un peu, oui. Rockabilly. Ouais. Là, un snare, une guitare, puis une contrebasse. Et une voix qui est brum, brum, brum, ouais, exactement. Brum, brum. Donc, c'est bon. Une voix qui suit la contrebasse. Philippe, il y en a avec des boum, boum, boum. On se dirige vers l'Europe et pour la Ligue des Champions. Tu nous parles de la Ligue anglaise ce matin? Ligue des Champions, Ligue anglaise, Impact, un peu de tout. D'accord. On va même touchailler à l'Euro. Touchaillons. Ouais, on va l'effleurer du bout des doigts. Touchaillons. On commence avec le Manchester United. Le Mancunien, Rio Ferdinand. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Mancunien. Hein? Mancunien? Ouais, on dirait que j'aime ça. Le Mancunien. Le joueur de Manchester United, Rio Ferdinand, n'est pas sûr de pouvoir jouer les huitièmes de finale aller de l'UEFA Champions League contre l'Olympique de Marseille en raison d'une blessure à un mollet survenue lors de la défaite 2-1 contre le Wolverhampton Wanderers FC. Vous savez, c'est l'équipe dont je vous dis toujours que le logo est affreux. On dirait vaguement un signe de Transformer manqué. Samedi dernier, en championnat d'Angleterre. Je vais aller le voir, là. Ce qui retenait l'attention également du côté d'Old Trafford, c'est Gary Neville, 35 ans, qui quitte le football anglais avec un palmarès des plus riches qui compte l'UEFA Champions League en 99 ainsi que 8 titres de Première Ligue et 3 FA Cup. Formé à Manchester United à partir de 1991, ce joueur n'a jamais quitté le club dont il est devenu capitaine en 2005. Souvent blessé ces dernières saisons, le joueur aux 602 matchs sous le maillot des Red Devils a seulement disputé 4 rencontres cette saison. Maintenant que t'es allé voir le logo des Wolverhampton Wanderers, c'est quelque chose. Ben oui, je trouve que ton Transformers est une bonne comparaison. C'est fait avec paint. Écoute, c'est... Non, mais il est pas si pire que ça, mais... Comparé à tous les autres. Un logo secondaire. Ouais, c'est ça. C'est un logo secondaire, je dirais pas. Mais c'est sûr que, aussi, on est habitué, nous aussi, à nos logos à la nord-américaine, tandis que là-bas, non. Et ça serait un chien, selon ce que je peux voir ici, parce que j'ai les anciens logos, je vois les anciens logos des Wanderers, et avant, t'as un genre de WW, un par-dessus l'autre, et un genre de lévrier qui saute par-dessus les deux W, très affreux celui-là aussi. Et finalement, à travers les années, on s'est en allé pour un blason, un peu un bouclier, là, et on a avancé avec ça pour finalement se retrouver avec le losange. C'est ce côté hexagone. Ouais, losange. Oui, losange, c'est ce côté, ouais, c'est renommé hexagone. Oui, hexagone. Donc on y était avec l'hexagone et non, il est pas affreux, mais pour un logo d'épaule ou un logo secondaire, mais pour le logo principal, j'avoue que on a vu mieux. C'est atroce. Disons, on reste dans la Champions League, affrontement entre l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid. L'Olympique Lyonnais espère faire aussi bien que la saison dernière lors de la réception du Real Madrid FC au stade de Guerlande à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de la Champions League. Lyon avait éliminé le Real Madrid la saison dernière à ce stade de la compétition, se qualifiant même pour les demi-finales. Il s'agissait de la troisième défaite consécutive du Real entre Rennes et Saône, mais avec José Mourinho aujourd'hui aux commandes, les Madrilènes espèrent bien se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2003-2004. Affrontement Milan contre Tottenham. Avec 7 victoires, Milan affiche un pedigree dans la compétition nettement supérieur à celui de Tottenham qui dispute seulement sa deuxième Champions League. Toutefois, les statistiques des Anglais en phase de groupe sont plus impressionnantes. Tottenham possède la meilleure attaque de la compétition ex aequo avec 18 buts inscrits dans le groupe A, dont 8 à l'extérieur. Milan est l'équipe qualifiée qui a obtenu le moins de points à l'extérieur, soit 8, et possède la moins bonne attaque ex aequo, soit 7. À domicile, les Rossoneri ont enregistré une victoire, une nulle et une défaite. C'est donc pas nécessairement dans la poche du côté de l'AC Milan. Tottenham qui va être l'équipe anglaise qui pourrait causer la surprise, les autres étant quand même relativement favorites dans leur affrontement. On reste en Angleterre avec l'Arsenal. Du côté de l'Arsenal, blessé à l'épaule, le gardien de but de l'Arsenal FC, Lukasz Fabianski, est absent jusqu'à la fin de la saison. L'international polonais qui a pris la place de Manuel Almunia, blessé au coude et à la cheville, s'est blessé lors de l'échauffement du match de Première Ligue face au Manchester City FC le 5 janvier dernier. Fabianski, 25 ans, va donc subir une intervention chirurgicale qui va le priver de terrain jusqu'à la fin de la saison. C'est un nouveau coup dur pour Arsenal, déjà privé de son milieu de terrain, Samir Nasri, blessé aux ischio-jambiers pour les huitièmes de finale aller de la Champions League face au Barça le 16 février prochain. Milieu de terrain international français, Samir Nasri avait quitté la pelouse lors de la victoire 2-1 des Gunners face au Huddersfield Town FC dimanche en FA Cup, donc une équipe de deuxième division. Oui. Et Arsène Wenger a confirmé mardi soir que Nasri serait absent pendant 3 semaines. On reste du côté d'Arsenal. Petite nouvelle un peu le genre de match que tu veux pas avoir du côté d'Arsenal. En fait, Theo Walcott, on affrontait Newcastle samedi dernier. Donc on affrontait Newcastle et Theo Walcott dès la première minute marque un but du côté d'Arsenal. Djourou, à la 3e minute, porte le score 2-0. Van Persie, à la 10e et 26e minute, met le score 4-0 avec à la mi-temps de la première demi. C'est là que ça commence à se gâter. Oui. On termine la deuxième demi, la première demi à court d'un homme et on joue à 10 durant à peu près l'ensemble de la deuxième demi. Et tu te dis, c'est 4-0, c'est pas dramatique. C'est exactement, c'est 4-0. Les gars vont asseoir leur défensive puis on va enlever l'attaquant de pointe et puis on va jouer à 9 pour la défense. Eh bien, il fallait compter autrement du côté d'Arsenal parce que Barton, à la 68e minute, se voit offrir un penalty qu'il concrétise. Ça portait le score à 4-1. Best, par la suite, à la 74e minute, portait le score à 4-2. Et à la 83e minute, Barton se voit encore une fois accorder un penalty qu'il concrétise. On est à 4-3. Et 4 minutes plus tard, c'est Tioté à la 87e qui venait faire 4-4. Un but magnifique. Un but magnifique. Une demi-volée de l'extérieur de la surface qui est entrée dans le petit filet. Un but fantastique qui va marquer probablement là, les images des prochaines semaines. Le ballon n'a jamais touché par terre. Jamais. Donc vraiment là, quelque chose de splendide et surtout pour une remontée de 4-4. Écoute, c'est à peu près l'équivalent de la remontée du Canadien 5-0 en deuxième période contre les Rangers. Et c'est probablement même mieux encore. Ouais. Parce qu'au soccer, 8 buts dans une rencontre. Oui, c'est ça. Surtout que tu parles de l'arrière 4-0 en début de mi-temps. Pourrais-tu juste me redonner le nom du joueur? Lequel? Le dernier but. Tioté, T-I-O-T-E, ou Tioté, ou Tioté, ou bref, prononcez-le. T-I-O-T-E. Okay. T-I-O-T-E, effectivement. Je vais trouver le but sur les internets. Tu mettras ça sur la page. Et on va mettre ça sur la Facebook de l'inconduite. Très bonne idée. On reste toujours en Angleterre, du côté de Chelsea. Le buteur, c'est la grosse nouvelle de la semaine dernière. En fait, lundi dernier, tout de suite après ma chronique foot, c'est la nouvelle qui a été annoncée. Du côté de Chelsea, le buteur du Liverpool FC, Fernando Torres, s'est engagé avec un autre club anglais, le Chelsea FC, pour un montant record en Grande-Bretagne. De, vous êtes bien assis, 57,5 millions d'euros. Je sais qu'il y a de grands joueurs ici et je dois travailler dur, a-t-il dit. L'international espagnol de 26 ans est resté 3 ans et demi à Anfield. Anfield, c'est la ville de Liverpool, où il était arrivé pour 30 millions d'euros en provenance du club Atlético de Madrid. Il a saigné au sein du club londonien jusqu'en 2016. Après avoir tout gagné ou presque au niveau international sous le maillot espagnol, Fernando Torres espère soulever le trophée de la Champions League avec son nouveau club. Le club londonien s'est également attaché les services de David Luiz, défenseur défenseur central du SL Benfica pour 25 millions d'euros. Donc, lundi dernier, le Chelsea, qui a dépensé la modique somme de 82,5 millions d'euros pour deux joueurs. Donc, on lésigne pas sur les moyens du côté de Chelsea. On se souvient, la semaine dernière, je vous avais dit, Chelsea est prête à tout pour aller plus loin. C'est même la déclaration qu'ils avaient fait. Et bien, tout de suite, en sortant des ondes, j'ai appris la nouvelle comme quoi Torres venait d'être engagé. Et par la suite, défenseur de Benfica qui est engagé du côté de Chelsea. Donc, on veut vraiment aller très loin du côté de Chelsea. Est-ce qu'ils ont un plafond comme au hockey? Non, il n'y a pas de plafond. C'est amuse-toi. Et du côté de Chelsea, en fait, ça a mal commencé ce week-end. Chelsea affrontait Arsenal, donc Torres qui jouait contre son ancienne équipe. Situation que je trouve toujours particulière. D'ailleurs, on la voit souvent aussi au hockey. Là, le joueur qui est échangé, il fait juste changer de vestiaire. Situation quand même assez particulière. Et bien, Chelsea s'est incliné 1-0. Donc, Torres a été retiré du match à la 66e minute pour être remplacé par un autre attaquant. Et bon, ben ça a pas donné grand-chose, mais il va rester un peu de ciment à mettre autour de tout ça et probablement là qu'à compter de la semaine prochaine là, du côté de Chelsea, on va être en mesure de faire de quoi de très très intéressant. Nouvelle toute fraîche du côté de l'Impact qui embauche un joueur français. À quelques heures du début de son camp d'entraînement, l'Impact de Montréal a annoncé lundi la mise sous contrat pour la prochaine saison du milieu de terrain français Assoun Camara. Camara, un milieu de terrain défensif qui a eu 27 ans le 3 février, avait participé au camp sur invitation du club du 24 au 28 janvier dernier. En carrière, Camara a joué 43 matchs de championnat en Ligue 2 en France avec le SC Bastia de 2008 à 2010. Précédemment, il avait disputé en CFA avec Noisy-le-Sec. Moi, là, des noms de village de même, là, j'adore donc ben ça. Tu sais ça, puis Sainte-Gertrude, là, on n'est pas du tout dans le même bastion. Hein. C'est vraiment Noisy-le-Sec, là, c'est le genre d'endroit d'où tu veux venir. Ouais. Moi qui n'ai pas de la Mauricie, j'ai connu Saint-Ursule dernièrement. Oh, ben ça, oui, oui. C'est un autre nom que j'ai fait. Oh, boy, OK, c'est spécial. Je suis de Saint-Pie. Ouais, toi, Saint-Pie, je veux dire, c'est pas... Pie. C'est ça. Ouais, on reste du côté de l'Impact. Également, une nouvelle qui nous est tombée dessus lundi dernier, tout juste après l'émission. C'est la retraite pour Matt Jordan en tant que gardien de but de l'Impact. Toutefois, s'en va comme directeur sportif adjoint à Nick DeSantis, en fait, si on veut. Donc, va participer à la reconstruction de l'Impact en MLS. Quelque chose de très intéressant. On disait qu'un peu, Jordan ferait le rôle que DeSantis faisait l'an dernier. Et DeSantis obtiendrait plus de tâches. Ce serait qu'il couvrirait tout ce qui est l'Impact, et non pas seulement le club principal, mais l'académie et les catégories subséquentes au niveau des académies plus jeunes, des moins de 18 ans, moins de 16 ans, moins de 14 ans aussi. Ouais, exactement. Moi, ça va être intéressant justement là, de voir les anciens qui ont marqué le club participer à la reconstruction justement. Et dernière petite nouvelle, en fait, on s'en va du côté de RDS qui obtient les droits pour l'Euro 2012 et 2016. Ah, okay. Donc ça fait suite justement à la diffusion. RDS et RIS, ça fait suite à la diffusion de l'Euro 2008 qui avait été fait par RDS. Donc diffuseur unique francophone au Canada, RDS et RIS qui va tenter de nous donner quelque chose d'intéressant. Cet été, c'était Radio-Canada? Oui, okay. Ça c'est pour la Coupe du Monde. C'est ça. Ah, l'Euro, okay. L'Euro. C'est bon, j'ai rien dit. La petite compétition. Le bord. Seulement. Juste. Ça le bord. Également, on va aussi avoir l'euro des moins de 21 ans et l'euro des féminins en 2013. Donc, ça risque d'être quand même intéressant là, au niveau de RDS qui bonifie un peu son offre soccer. Je suis pas pour m'en plaindre. Surtout avec les matchs samedi matin aussi. Non, c'est ça. Puis, de plus en plus, ça commence à devenir peut-être un peu plus là respectable du côté d'RDS, la couverture qu'on en fait, même si c'est encore très loin d'être quelque chose de haute qualité, mais du moins, on met l'effort. Oui, exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. On va aller en musique. On va aller écouter un peu de AFI avec la chanson God Called In Sick Today. Donc, Dieu a appelé pour dire qu'il était malade ce matin. Probablement qu'il a abusé des ailes de poulet et fait pas un petit peu trop de bière. J'essaie juste de faire un lien par rapport au Super Bowl. Parce que Super ça, Bowl. C'est ton lien dont tu parlais pendant la pause. Hey, les gars, j'ai un bon lien pour vous autres. Alors, je m'en ai dit, parce que le Super Bowl, on va en parler dans 15 minutes le avec JP Grenier. Leçon de déception avec Nicolas Duchamp. J'essaie de faire de sauver du temps. Là, pour ah, OK. Parce qu'on, à part du Super Bowl, qu'on va parler avec JP Grenier à la dernière demi-heure, on parle du Canadien et du hockey à Mauricie. Au retour de la chanson, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. the team are the pattern for me. Murderous filigree. I'm caught in the twisting of the vine. Ghosts in with ivy climbing, ignorantly for me. The headstone crumbling behind. Ben, me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On va maintenant parler, les gars, avant de parler un petit peu du Canadien qui disputait deux matchs cette fin de semaine, on va parler du hockey en Mauricie. Tout d'abord, c'était vendredi, le Caron Aiguë affrontait le 3L de Rivière-du-Loup et son as marqueur Donald Brashear. Et ça a été... C'était une victoire du... Ben, Brashear, honnêtement, je vais te dire ces statistiques-là, mais Brashear... Je m'en attendais pas. C'est autant d'humour, là, venant, franchement, là, venant de toi, Nick, là, je m'en attendais pas. Après ça. Son lien. Ah ouais, après ton lien très boiteux, là. Les gars, je vais vous décevoir. Brashear n'était pas en uniforme pour ce match. Je regardais, je voulais vous dire sa fiche à date cette année, malheureusement, n'était pas en uniforme du côté de Trois-Rivières. Donc, c'est une victoire de 9-4 par le Caron Aiguë. Ouais. On peut parler dans la victoire d'une performance de Simon Laliberté qui effectue un retour. 2 buts, 2 passes. On peut parler aussi de Corsi qui lui aussi faisait un retour. 5 points du côté de Corsi. Donc, 2 gars qui ont été instrumentales à la victoire du Caron Aiguë. La victoire va à l'affiche de Danny Dallaire. Alors que du côté de Rivière-du-Loup, la défaite est à le gardien Martin Hull, anciennement de l'organisation des Flyers de Philadelphie. Caron Aiguë, les gars qui, par voie des médias, ont lancé un peu un appel à l'aide aux citoyens de Trois-Rivières. En fait, on n'est plus capable de remplir les estrades avec à peu près seulement 1000 partisans par match. On n'est pas en mesure d'être rentable. L'équipe qui songe à, peut-être là, à déménager, à voir qu'est-ce qui pourrait aussi là, aider peut-être à la relance de l'équipe. On semble mettre de côté l'aspect violence dans cette équipe-là. C'est pourtant ce qui attirait, semble-t-il, les fans. Mais il reste une base d'irréductibles qui continue d'aller au match, puis qui, pour la plupart, serait même prêt à payer un peu plus cher pour continuer d'aller voir le Coron Aiguë. Ce qui arrive avec le Coron Aiguë, c'est que c'est un produit qu'on essaie de plus en plus de changer et qui a mal vieilli, très mal vieilli par rapport à ce que c'était. Parce qu'écoute, la Ligue nord-américaine existe quand même depuis 15 ans à travers ses différentes moutures et ses différents noms. Mais c'est un produit qui a vraiment mal vieilli. Les gens se sont tannés de ça et je pense que présentement, de façon au Québec, contrairement, le paysage de hockey a changé. Il fut une époque, écoute, dans le temps, où est-ce qu'on parlait des voltigeurs de Drummondville de disparaître. Et c'est une équipe de la Ligue nord-américaine. Il n'y en avait que pour la Ligue nord-américaine et pour les entre parenthèses, professionnels. Alors que maintenant, c'est le hockey junior qui a réussi un beau retour et qui occupe tout le portrait du hockey québécois. Pour si portrait il y a, là, parce qu'on s'entend que la couverture de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec pourrait quand même être de loin meilleure, mais ça occupe tout le portrait, ce qui fait que la Ligue a très rapidement descendu en crédibilité. Ça n'a jamais été une Ligue non plus qui était très crédible, mais on a essayé de la rendre crédible en réduisant la violence, tout ça, et ça s'est pas bien passé. Donc, on a perdu des fans qui aimaient la violence et qui veulent plus venir, et on a perdu des fans qui aimaient le jeu, mais qui sont tannés de voir la violence et qui, justement, ils vont plus. Parce que quand on regarde un match des Patriotes et un match du Coron Aiguë, c'est absolument pas le même type de personnes qui s'y pointent. Rien à voir. C'est deux publics totalement différents. Et je pense que on a de la misère à... C'est la réputation de la Ligue en tant que telle qui est un des gros problèmes. Et les gens se sont tannés un petit peu. Et j'ai bien l'impression que cette Ligue-là ça se dit à toutes les années, mais il reste plus une tonne de mille à faire pour la Ligue nord-américaine. Non, en effet. Mais peut-être une association avec dans le cas du Coron Aiguë, peut-être une association avec les Patriotes qui permettrait, peut-être aux deux équipes. Je sais, mais à un moment c'est donné. C'est deux organisations qui saillissent. Je comprends, Nick, mais à un moment donné, il faut que tu piles, là, c'est ton orgueil mal placé, là, pour survivre, là. Il faut, à un moment donné, que. Honnêtement, là, de façon que je vois ça, je pense pas qu'une organisation est intéressée à voir l'autre survivre et vice versa. Je pense que ce qu'on aimerait, c'est qu'une des deux meure. Et après ça, ramasser le bassin, ou du moins, on s'aime pas beaucoup, et je pense pas que, je vois pas comment il pourrait avoir une alliance. C'est deux produits totalement différents, premièrement, et c'est deux produits qui, souvent, vont venir se cogner l'un à l'autre, certains soirs de l'année. Donc, quelques 300 personnes pour les Patriotes, ben, c'est au moins, peut-être un 50 personnes qui est pas au Coron Aiguë, mais ça se mélange pas, et je pense pas qu'il y a grand chose à faire. Je voirais bien plus une alliance entre les Estacades et les Patriotes, ou entre les Dragons du Collège de la Flèche et les Patriotes. Ouais, ça c'est beaucoup plus réaliste. Mais si tu dis justement que du côté entre le Coron Aiguë et les Patriotes, on s'aime pas très très, puis que la solution, on s'aime pas très très. Non, pas du tout, même. Il y a une petite déficience. Mais est-ce que, puis que tu dis que ce qu'on attend un peu, c'est de voir l'autre équipe disparaître dans un cas ou dans l'autre, est-ce que ça vient un peu influencer ultimement la possibilité de la construction d'un aréna sur le campus? Parce que si le Coron Aiguë disparaît dans les 2-3 prochaines années, l'aréna appartient aux Patriotes. Ouais. Et d'ailleurs, même le contrat, parce que ce qui arrive aussi, c'est au niveau des concessions, au niveau de l'organisation des matchs des Patriotes, c'est tout le Coron Aiguë qui gère ça. Ça, tu savais-tu? De l'organisation. T'achètes une bière ou c'est le Coron Aiguë qui possède les concessions des matchs des Patriotes. Ouais. Peuvent bien pas s'aimer. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils s'aiment pas. Donc, et ce contrat-là, est-ce qu'on m'a dit ça? Entre autres, la distance entre la chambre des Patriotes et la glace, là. Ouais, tout dépendant, t'es où? Mais ça, non, mais ça, c'est correct. C'est pas problématique. Regarde les Oilers d'Edmonton. Tu marches longtemps, là. Mais, non, c'est vraiment plus, que comme je dis, les deux équipes s'aiment pas. Et pour différents. Et le contrat, est-ce qu'on m'a dit, le contrat d'exclusivité du Coron Aiguë se termine cette année? Il y a probablement plusieurs choses qui vont changer. Ça va peut-être permettre aussi, de créer un événement un petit peu plus au match des Patriotes. Rapport à ça. Donc, le paysage de hockey pourrait énormément changer dans les prochaines années. Du côté de Trois-Rivières, alors, on continue rapidement, on n'aura même pas le temps de parler du Canadien. Les Estacades de Trois-Rivières l'ont emporté hier contre les Forestiers d'Amos par la marque de 8-3. Alors que du côté des Dragons du Collège de la Flèche, ils disputaient un match, c'était le 4, donc vendredi, contre le Collège Harrington. Ils l'ont emporté 10-4, donc Donc, excellente fin de semaine du côté des équipes de Trois-Rivières. 3 victoires en 3 matchs. Félicitations à tout le monde et bravo. Rapidement, Canadiens de Montréal, écoute, il nous reste 2 minutes environ pour en parler. Deux points sur quatre. Autant que la victoire contre les Rangers, c'était un match de série, un match de caractère, autant contre les Devils. Oui, les Devils sont derniers au classement présentement, mais on voit de plus en plus de choses intéressantes de leur côté. Et on l'a échappé, je pense que c'est le terme. On s'est pas présenté en première période. On a connu une excellente troisième période, je veux dire, un peu plus de chance, puis ça y était. On aurait pu profiter de l'arrivée de Johan Hedberg pour... qui était froid et finalement... Ouais, honnêtement, les gars, le 2 points sur 4, très chanceux du côté du Canadien en fin de semaine. Là, c'est ben pas non, été, c'était une belle partie. Non, mais contre les Rangers, on a quoi, ça? Non, écoute. Un but, là. Épouvantable match, là. Dans les deux cas, je les mets au pluriel, là, ça a été rien d'intéressant à regarder, rien de convaincant. Oh, c'était un match défensif, sauf que le Canadien, tu le choix de jouer ça, ouais, la jouer défensif un peu. À toutes les fois que le Canadien s'est pensé plus fort qu'il était niveau offensif, on s'est fait rentrer dedans. Donc, si le Canadien se replie et avoue qu'il est un club qui peut pas marquer 5-6 buts par game. C'est pas encourageant pour les séries. C'est vrai. Ça n'a rien d'encourageant pour les séries. Au contraire, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que si on reste dans nos gonds et qu'on s'avoue l'équipe qu'on est, on a des chances. On a plus de chances d'aller plus loin. Phil, on n'a pas le choix contre les Rangers de se la jouer défensive. Premièrement, Markov est juste plus là. Et James Wisniewski est pas en uniforme. Donc, l'attaque doit venir de Yaroslav Spachek. ça regarde mal, tu comprends? Même quand Alexandre Wisniewski Picard. Était là, même quand Camilleri était là, on marquait pas de but. C'est ça qui est présentement, on marquait pas de but, mais on avait plus de potentiel pour le faire. Tandis que là, ils sont pas là. Les seules options qu'on a, c'est se la jouer défensive, jouer un match solide, grinder, puis aller chercher des buts opportunistes. Et Plekanec, ce dernier qui était tout simplement pas là en fin de semaine. C'est là qu'on voit que c'est, pour ceux qui pensaient que c'était le sauveur, là, ouvrez-vous les yeux, là, je veux dire, c'est un joueur, correct sans plus là, mais vraiment on a joué mieux. Si tu veux mon avis, c'est quand même plus utile que Maxime Lapierre dans une équipe David Dernais. C'est pas le même type de joueur. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il était plus utile. Ça veut pas dire que Maxime Lapierre je le trouve inutile dans une équipe. Je trouve juste que j'aime mieux ce que Dernais peut apporter à l'équipe que ce que Maxime Lapierre pouvait en apporter. Je déteste pas Maxime Lapierre. Je l'aimais bien là, mais Dernais plus intéressant selon moi. Combien de points, Lapierre, depuis qu'il a été échangé? C'est même pas le sujet de la discussion. Non, mais par curiosité. À Nain. Avec ça, aussi, hier, les Bergeron. Que... Il doit pas en avoir gros parce qu'il y a 10 points cette année en 50 matchs. Donc, je vais hockey DBA ça. Bergeron, hier, qui a fait 2 points. Donc, on va peut-être pouvoir ressortir le débat Wisniewski-Bergeron. J'espère qu'on le ressortira pas non plus. Mais... 2 points du côté d'Anaheim. Ouais, 2 points en 12 matchs. Donc, ça ne semble pas aller mieux là-bas, même s'il a obtenu un peu plus de temps de glace. Ouais, ben, dès son arrivée, il a quand même pu jouer avec Loupel et Parrish, je pense. Bref, c'est pas grave. Là, il a même eu du temps de glace avec Bobby Ryan. Du côté de Lapierre, là. On stagne. Hey, quasiment né à la même journée que moi. OK, on s'en fout. Donc, on va aller à une pause. On va aller à une pause. Au retour, JP Grenier se joue à nous. On va parler de football. Des choses comme ça. Là. Et quand Philippe va fermer sa gueule? Jamais. C'est professionnel comme émission, Philippe, ce qu'on fait. Là. Tu déconnes. OK. Alors, j'ai fermé son micro. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie, les 10h31. Au retour, JP Grenier se joue à nous. Ça sera pas talon, on paye des billes, puis on revient! À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, après le congédiement de Richard Martel, les Saguenay-Chicoutimi annonceront aujourd'hui que Guy Carbonneau sera le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. Il prendra la relève à Martel, qui avait effectué 8 saisons derrière le banc de l'équipe. Du côté de Gatineau, les Olympiques devront se passer des services de Ty Megan pour une période de 4 semaines. L'attaquant a subi une fracture au pied vendredi soir contre les Cataractes de Shawinigan. Au hockey de la Ligue nationale, les Canadiens l'ont échappé hier face aux Devils par la marque de 4-1. Après avoir bloqué les 11 premiers tirs dirigés vers lui, le gardien québécois Martin Brodeur a dû laisser sa place à Johan Hedberg en raison d'une blessure à un genou. Avec cette défaite, Montréal a raté sa chance de rejoindre les Bruins de Boston qui ont toujours 2 points d'avance sur le tricolore au classement. À Washington, les Capitals emportent 3-0 contre les Penguins de Pittsburgh. Brook Leach, Mark Johansson et Mike Knuber sont les marqueurs pour Washington. Du côté de Tampa Bay, le Lightning l'emporte 4-3 face aux Blues de Saint-Louis. La partie s'est décidée en prolongation et c'est Vincent Lecavalier qui vient sceller l'issue de la rencontre sur un retour de Marc-André Bergeron. Dans la victoire, Stamkos a atteint le plateau des 40 buts. Et à Colorado, Peter Forsberg a signé un contrat avec l'Avalanche. On ne connaît pas les détails du contrat, mais l'attaquant de 37 ans aurait pris cette décision après avoir participé à l'entraînement de l'équipe dimanche. Le Suédois était maintenant absent de la Ligue nationale depuis 3 ans. Au football maintenant, les Packers de Green Bay remportent le Super Bowl contre les Steelers de Pittsburgh 31-25. Il s'agit d'un 4e championnat dans l'histoire de la concession. Le dernier avait été remporté en 1997. Et finalement, au sport universitaire, ne manquez pas la rencontre des Patriots hockey de mercredi soir face à Concordia. La rencontre aura lieu au Colisée de Trois-Rivières à 19h et pour l'occasion, une navette sera à la disposition des étudiants à partir de 18h30 au CAPS de l'UQTR. Il y aura concours d'association pour le meilleur fan. Voilà, c'était vos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. C'était hier le Super Bowl et on va en parler énormément ce matin avec notre ami JP Grenier. JP, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ah, toujours. All right. JP, à froid comme ça ou à chaud plutôt, là, ça fait pas très longtemps. Qu'as-tu pensé du Super Bowl, mis à part le match? Là? J'ai bien aimé ça. J'ai été diverti encore une fois cette année. Tu as aimé Christina Aguilera? Bon, ça, j'ai pas vraiment écouté ça. Là. J'étais plus en train de faire la bouffe, là, mais... tu manges avant le match, toi? Ben, je fais la bouffe avant, puis je mange pendant. Okay. C'est en préparation. D'accord. Donc, tu prépares avant, tu cuis pendant et tu bouffes après. La fameuse pizza. Bon, pas mal tout le long. Ah ouais? OK. J'ai bien aimé ça. Non, mais parce que je parlais de Christina Aguilera qui a réussi à se planter pendant l'hymne national. À un moment donné, là, c'est l'hymne national. C'est pas une reprise d'une toune de Cashtin que tu chantes. Je suis 100% d'accord avec toi. Hey, fais-la, by the book. D'autant plus que l'hymne national américain est quand même un hymne très difficile à chanter. Il est facile de s'enfarger dedans. Et à multiples reprises, Christina Aguilera l'a fait avec des yobelés mal placés. C'est son genre de faire des yobelés. Non, non, placés, c'est le genre de quiconque se pense plus gros que le Super Bowl et plus gros que l'hymne américain. Ouais, c'est donc, c'est ça un peu ça le problème aussi. Là. Alors, allons-y avec le match, JP. C'est une victoire des Packers de Green Bay, 31-25. Les prédictions l'an dernier, la semaine dernière, du côté du studio, Philippe, c'était les Steelers. Effectivement. Marc-Antoine Steelers. Ouais. Et je sais que toi... C'est... Non, toi, JP, t'étais comme en deux, hein, toi? Ben, c'est ça, là. Je voulais que les Packers gagnent, mais ma tête était avec les Steelers. Je suis pas déçu par tout du résultat. Là, on a eu un super bon match. Ouais. Offensif, des beaux jeux défensifs aussi. Puis les unités spéciales qui ont pas trop tôt été un facteur. Je suis quasiment content. C'est un peu moins le fun. C'est un peu moins plate pour l'équipe qui part dans ce temps-là. Là. Donc, écoute, on a eu un super de bon match. Aaron Rodgers, écoute, quel corps arrière. Là. Ouais. Il lançait des lasers, là, des tisons. Écoute, ce gars-là a un bras en or. Et de l'autre côté, Rodgers Burger, qui a certainement pas connu le meilleur match de sa carrière. Non, puis on se souvient qu'au Super Bowl, son premier au Super Bowl 40 contre les Seahawks, avait pu se fier à la défensive, puis son attaque au sol pour remporter le match. Hier, l'attaque au sol a marché. Écoute, ça n'a pas été sa meilleure game. Là. Plusieurs interceptions. Deux fois, oui. C'est pas ce qui n'était pas précise du tout. Là, donc, Exactement. C'est un peu aussi l'histoire. Ben, c'est pas un peu l'histoire du match. C'est l'histoire du match au-delà de la défensive, de l'offensive ou quoi que ce soit. C'est les revirements. Oui, parce qu'on a quand même eu ce qu'on appelle en termes de football un pick six, une interception qui se transforme en touché. Oui. Ça fait mal, ça. Là. Donc, sur une passe qui a été. Ben, du moins, on a touché au bras de Rodgers Burger, ce qui a fait une flottante et non pas une passe. Un canard. Donc. Ça a coûté cher parce que c'est là-dessus que le match, on peut dire qu'il s'est décidé. Ouais, 14 points. 21 points à la suite des revirements du côté des Steelers. Donc ça aussi, là, ça... Et les Packers, aucun revirement. C'était parfait. Ce que selon moi, ça a changé le cours du match, c'est l'échappée de Manerol. Ouais. Clay Matthews qui a réussi un gros jeu là-dessus, un peu comme son petit frère là, avec Oregon. Quelques semaines auparavant, là, qui cause l'échappée en fin de match comme ça. Son clutch. Ouais, c'est vraiment là, sont impressionnants. Puis ça a vraiment changé parce que là, ils perdaient seulement par 3 points les Steelers. On s'en allait marquer. Donc il sort un gros fumble de même. J'ai adoré ça, voir ça. Écoute, je suis tellement content pour les Packers qui, enfin, après 13-14 ans, ouais, peuvent célébrer de nouveau. Donc, ouais, une belle histoire, cette équipe-là, qui était peut-être même pas supposée être là au début des séries éliminatoires. J'ai été très déçu par la fin du match, par contre. Parce que là, t'as les Steelers qui reprennent le ballon avec 2 minutes 7 à faire. On a le 2 minutes warning tout de suite, l'arrêt obligatoire des 2 minutes tout de suite après le retour de beauté. Et là, je me dis, bon, Ben Roethlisberger, 14 retours pour la victoire au quatrième quart dans sa carrière. Ça y est, on va avoir une fin de match incroyable. Eh ben non, on a eu un premier essai et c'est tout. Ouais. Rien de convaincant, rien d'intéressant. Même dans la dans les choix de jeu du côté des Steelers, on était un peu... C'était conservateur. Ouais, tout à fait. On n'avait rien de super intéressant. Ce qu'on a vu de plus intéressant du côté des Steelers, c'est exactement, c'est la conversion de deux points où on a mélangé trois jeux, trois styles de jeu en même temps. Il était avec l'option. Ouais, l'option, le play action, puis le delay au niveau du, je sais comment on pourrait appeler ça en français, le porteur de ballon qui attend et qui fonce par la suite. Ouais. On lui donne pas, on continue, donc, non, c'est pas un jeu à l'appel. Écoute, faudrait demander à Denis Cazavant ce matin. Je suis content par contre que les Steelers n'aient pas revenu de l'arrière parce que selon moi, ils méritaient pas la rencontre avec plusieurs erreurs. Du côté des Packers, on a été parfait. Aaron Rodgers, les seules passes échappées, c'est pas qu'il était pas pressé, c'est que ses receveurs avaient les mains. Beaucoup d'échappées. Il aurait fallu de la colle comme dans le film. C'est dans quel film? Les petits géants. Non, ou les remplaçants. Les remplaçants aussi. Qu'on a pu voir également ce week-end. Oui, oui. Mais aussi, du côté de Ben Roethlisberger, qui, je me souviens pas duquel de ses receveurs, qui était complètement libre, tout près de la zone des buts. Et puis, il manque complètement sa passe là, d'environ 4 pieds. Ça a été très difficile pour le gros Ben, là, qui ne s'est pas servi de ses jambes non plus. C'était décevant. Du début à la fin, là, la performance des Steelers. Malgré tout, on a quand même eu un match intéressant, ouais, là, grâce à la poussée offensive en fin de première demi. On la souhaite. Je suis content quand moi, même pour content, les Packers. Ouais, c'est sûr, de voir que le titre est de retour à Tarleton. Tu nous fais du match un peu, JP? Ben écoute, les gros joueurs, là, moi, un joueur qui m'a retenu l'attention, Jordy Nelson, ouais, en faveur des Packers. Je croyais réellement que ce serait lui qui obtiendrait le titre de meilleur joueur. 9 attrapés, 140 verges avec un touché. Le premier touché, il est important. Ouais. Il y a eu un échappé pas loin de la zone des buts aussi. Donc, je pensais que si... Ben, Roger, 300 verges par la passe avec 3 touchés, c'était comme un peu sûr qu'il allait l'avoir, là. Si on se fait l'histoire de la Ligue qui donne tout le temps ça aux carrières ou presque, là. Mais Jordy Nelson, une belle révélation pour les Packers. Sinon, les Packers ils ont été fidèles à eux-mêmes, là. Une défensive très agressive. Pepra, 9 tackles, Bishop, même chose, Zumbo, tu sais, des gars qui... C'est pas des vedettes, là. C'est ça. Une sorte de l'ordinaire, puis je trouve ça le fun. Ouais, Zumbo a connu un bon match, là, aussi. Là, on le voyait souvent sur les jeux plus souvent qu'on a vu, mettons, AJ Hawk, entre autres, là. Parfait. Donc, même chose pour les Steelers. Non, écoute, c'est un bon match. Les deux équipes méritaient la victoire, peut-être un peu moins les Steelers. On a dit pourquoi, sauf que... Écoute, je vais peut-être parler de Sean Swisham. J'en avais parlé la semaine passée. Ouais. Je sais que c'était 52 verges sa tentative, mais écoute, c'était carrément raté. 52 verges, ouais, finis au moins à court si tu le manques. Même le gars, 25 là, pieds à gauche. Concours Wendy's au Rogers Center, il avait manqué, raté, je sais pas le mot, là, le botté après le toucher. Là, puis ouais, il a failli le rater. Ouais, ça, c'est un peu ridicule. Là. D'après moi, il va être coupé. Ouais. Sa carrière. Surtout qu'un batteur, là, ça coûte quoi? 1,5 million par année. Je veux dire, là, va en chercher un qui vaut à peine. Là, ouais. C'est pas. Martin, il y a sûrement des deux Grammatica. De toute façon, Damon Duval, lui, sa maison est à vendre. Bon, les spéculations sont reparties. Non. T'imagines-tu, il choke sous la pression dans le match de la Coupe Grey? T'imagines-tu au Super Bowl? Aïe. Donc, non, écoute, puis au niveau du match, peut-être à l'extérieur aussi, là, au Cowboy Stadium, avez-vous aimé ça, vous, l'ambiance? L'écran. Ah, l'écran, c'est gros, hein? Écoute, tu peux pas passer à côté, hein? Je sais pas quoi. Ben, Jerry Jones puis la NFL, ils ont eu certains problèmes avec la vente de billets. Oui, j'ai entendu parler de ça. Écoute, ça fait dur un peu, là, la Ligue qui vend à peu près 500 billets. pour debout dans le fond, puis ils sont pas capables de les amener. Faut qu'ils fassent écouter le match dehors. Donc la ligue a un peu manqué son coup là-dessus. On disait aussi que on devait installer des sièges temporaires et les sièges ne se sont pas, on n'a pas eu le temps de les monter. Je veux dire, c'est le Super Bowl, là. C'est pas la ligue de garage de soccer, là. Je veux dire, Dallas a pas fait les séries non plus, là. T'as eu comme 8 semaines pour faire ça, là. Ouais. Alors, on n'a pas eu le temps de les monter, donc on disait qu'à peu près 400 personnes ont dû être dédommagées pour leurs billets. Ouais, ils leur ont donné. Dédommagées, pas dédommagées. C'est le match, je veux voir. Moi, ouais, c'est pas l'argent de mon billet. On leur a donné environ 2 000 $, 2 400 $, ce qui est à peu près trois fois plus que ce que le billet valait. Mais tu sais, quelqu'un qui est parti de Green Bay, en avion, l'hôtel, les souvenirs, les sorties dans les bars et tout ça, bon. Et, ça monte, il y a des maudites chances que ça monte à plus que 2 000 $. Hein? En passant, on pouvait voir dans la presse ce matin une belle photo avec environ 5 partisans du Canadien, avec les chandails du Canadien. Oui, j'ai vu ça. C'était présent au match. J'ai vu ça pendant le match, là, que donc on voit que la presse a vraiment focusé sur ce qui était important. Ouais. C'est-à-dire les fans du Canadien. Mais je pense qu'on a eu droit à un bon Super Bowl aussi. J'ai retenu la performance à la défensive d'un gars comme Bush. Qui a 2 interceptions, que Jared Bush qui a la dernière interception et qui en a fait une autre durant le match, qui est un peu un héros obscur dans ce match-là. C'est vrai, en plus, écoute, c'était pas la tertiaire des Packers qu'on retenait. Il y avait Trent Williams, un joueur qui était pas mal le meilleur, si on veut. Woodson, j'aurais bien aimé ça qu'il ait le titre de joueur le plus utile. Vieux Charles qui est toujours là, enfin une bague du Super Bowl pour lui. Ça va être à voir là pour l'an prochain. Peut-être en parler un peu là pour ce qui arrive l'an prochain. Est-ce que les Packers vont répéter? On disait que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale de football. Après Tampa Bay. Après là, Tampa Bay, donc on est jeune là. Il y a pas de Rodgers qui n'a que 28 ans. Ses stats qui font juste augmenter d'année en année. Ouais. Donc permettez l'expression, le sky's the limit pour Aaron Rodgers avec son bras incroyable. Puis t'as Ryan Grant qui était pas là. Par exemple, Stark, je l'ai bien aimé. Est-ce qu'ils se sont trouvés enfin un régulier au niveau de porteur de ballon? Le premier peut-être depuis Amon Green. Je ne sais pas. Même chose pour les receveurs, le Greg Jennings, Nelson. Il y a Donald Driver, est-ce qu'il va sortir ou D'après moi, il sortir en haut au sommet de sa gloire. Puis, ouais, c'est ça. Sortir en gain. Bonsoir. James Jones, 26 ans, même chose. Mm-hmm. Donc non, et les Packers sont très solides. Même chose en défensive, là, les piliers, si on enlève Woodson, t'as AJ Hawk, t'as Clay Matthews, t'as Nick Collins, t'as Bishop, t'as Zumbo. Bush qui est jeune, Trent Williams, c'est des gars qui vont être encore là, Mason Crosby qui a seulement à peu près 26 ans, donc non, les Packers vont être une force là, puis on l'a dit souvent là, l'association Nord, la division Nord pardon, de la nationale qui est très forte là. Il va falloir que les Vikings se trouvent un carrière parce que là t'as Matthew Stafford avec les Lions, t'as Cutler avec les Bears, t'as Aaron Rodgers avec les Packers, là les Vikings se retrouvent avec quoi? Tavares Jackson, on va voir là. Il y a peut-être des rumeurs qui envoyaient Tim Tebow là-bas. Je sais pas si ça va se concrétiser, mais même encore là donc. Et dire que c'était les Vikings qu'on attendait dans cette division là cette année. Ouais, ben écoute, c'est une des divisions les plus difficiles, pas seulement pour les équipes, même chose pour la température. Mm-hmm. Les Vikings, on l'a vu, ils ont connu toutes sortes d'ennuis, des blessures. Avec la performance que les Vikings ont offert l'an dernier, c'était quand même légitime de croire qu'ils allaient sortir gagnants de leur division cette année. Malheureusement, là, Brett Favre qui a été dominé par les blessures tout au long de la saison. Il y a en plus des problèmes hors du terrain, qui vont chercher Randy Moss, l'entraîneur qui est congédié. Ça n'a pas été une bonne année pour les Vikings, donc j'ai vraiment hâte de voir cette année. L'off-season, malheureusement, c'était le dernier match de l'année, là, déjà. Moi, ça me manque déjà. Ouais, là, c'est pour ça qu'on aimait ça, le Pro Bowl, après. Ça nous donnait un peu de bon football, après. Écoute, j'ai écouté brièvement le Pro Bowl la semaine passée. C'est triste, hein? Puis, écoute, le dernier jeu du match, il y a la remise du ballon, puis les joueurs de ligne des deux équipes se regardent, puis ils jasent. Là, je suis comme... On met le genou au sol. Ça, j'ai capoté. Il restait 1:20 à peu près au match, là. C'est bon, évidemment, c'est 65-37, là. On s'en fout du score, mais ils mettent le genou au sol. J'étais là, non! Voyons, au moins, pas, là. Pas essayez donc de jouer jusqu'à la fin, s'il vous plaît, là. Ah, c'est jamais super vite. Rappelles-tu Robert Edwards qui s'était défait le genou dans un match de football sur la plage? C'est comme une activité promotionnelle de la NFL et ça a ruiné sa carrière. Il a fini avec les Alouettes. C'était un choix de première ronde des Packers, pas des Packers, mais des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et ça s'était défait dans son cas, ça s'est arrêté là. Hey, tu nous parlais des Packers qui étaient une équipe très jeune du côté des de Pittsburgh, JP. Comment tu vois les années à venir, l'année prochaine? Ben, un peu la même chose. Le noyau, surtout en défensive, va rester là. Lawrence Simmons, Lamar Woodley, Hampton. T'as James Harrison qui est un peu vieillissant, mais il est toujours utile. T'as Troy Polamalu qui est incroyable. Brian McFadden. T'as Clark. En défensive, j'ai rien à dire. Ils vont être encore là, ces gars-là. Sinon, à l'offensive, t'as Roethlisberger qui a 27 ans. Mendenhall, 22 ans seulement. Mike Wallace, même chose. Donc, écoute, Ainsworth qui a dit qu'il était prêt encore quelques saisons. Heath Miller qui est encore dans la jeunesse. Là. Donc, écoute, les Steelers qui vont être encore une des équipes à battre l'an prochain. Et puis, c'est pour ça que ça me dérange même pas qu'ils perdent. Là, parce que je sais que dans quelques années, ils vont probablement être de retour au Super Bowl. Donc, peut-être en terminant, les gars, un petit sujet de même que j'ai pensé hier. Est-ce que vous avez écouté, dans le fond, les pre-game shows à Fox, ESPN? Non, j'ai manqué de temps. J'avais l'émission à préparer que j'ai pas écouté. Là. Moi, j'ai écouté le match canadien, donc malheureusement, non, je l'ai pas écouté. OK. Ben, c'était juste, dans le fond, là, je voyais la différence de talent puis de visibilité que les gars ont par rapport à nos analystes du Québec de hockey qui sont en dehors de la traque, tout simplement. Là, Ça, tu vois, c'est... Ça, je l'ai remarqué justement pendant les séries. Pas hier particulièrement au Super Bowl, mais pendant les séries, justement, là, je suivais les matchs de la NFL sur les réseaux anglais. Et puis, écoute, c'est un monde de différence avec ce qu'on nous donnait à RIA. J'ai rien contre Didier Hormé-Juste, là. Non, il fait très bon travail. Pierre Vercheval aussi, c'est une bonne analyse. Ouais, mais les gars n'ont pas le support. Le gars moi, je parlais plutôt au niveau hockey, là. Parce que football, c'est plus ou moins comparable. Là, on est francophone, puis on n'a pas les budgets nécessairement aussi. OK, là. Tu parles, mettons... La différence. Analyse entre... hockey versus analyse football aux États-Unis. Exactement. Ouais, on a des émissions comme l'Antichambre. Puis eux, dans le fond, t'écoutes ESPN Countdown, si je veux dire, il n'y a pas une émission meilleure que ça. Là, avec l'arrivée de Chantal Maccabé dans la chambre, ça risque pas d'augmenter le niveau. Ben, Chantal Maccabé est là depuis toujours, puis Chantal Maccabé, c'est quand même une des personnes les plus compétentes à RDS, si tu veux mon avis, là, par rapport au gang de tapons qu'il y a. Là, Chantal Maccabé est vraiment une des meilleures là, à ce poste-là. La différence, c'est qu'au football, dans la NFL, les gars sont connectés, sont là, ils vont chercher leurs sources, tandis que à l'antichambre, à ces émissions-là, ils sont pas là pour 2 cents. Puis on a un... Puis ils sont déconnectés. Ouais. Puis on a un dosage au niveau du football aussi entre les joueurs professionnels puis des gens qui sont des professionnels de la communication. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas au Québec. Au Québec, ce qui prime, c'est « As-tu joué? » Oui, un match, pas grave, t'as joué, c'est tout comprend. T'as été dans le vestiaire, fait que tu connais la game. Gaston Therrien, là, je veux dire, il a joué 3 games avec les Nordiques, il a trouvé le moyen de s'enfarger dans un filage, dans un match d'ancien Nordique, ancien Canadien. Il a coaché quelques années dans le junior, puis ça fait de lui un expert consacré. Je m'excuse, mais le gars, il a pas la prestance devant l'écran. Je veux pas critiquer en disant que je ferais mieux ou que quiconque ferait mieux, mais c'est que si on veut vraiment dire que c'est notre sport national, ben puis qu'on fasse comme tu dis, JP, avec ce qu'on peut avoir comme qualité aux États-Unis pour le football, puis qu'on rehausse un peu la base. Parce que dans le fond, c'est Mathieu Brunet qui a amené ça en fait à même. J'ai trouvé ça super intéressant comme sujet. Puis, tu sais, pourquoi est-ce qu'au Québec, on engage toujours des plombiers, si on veut? Tu regardes RDS, puis même le match avec LCN, c'est des Georges Larac, des Dave Morissette. Ouais, pourquoi c'est pas des joueurs vedettes, là? Mais je veux dire, tu regardes NFL Network, c'est tous des gars qui ont des bagues du Super Bowl, qui sont autant de la renommée. Je veux dire, qui est-ce que tu prends comme analyste? Est-ce que tu prends Benoît Brunet ou tu prends John Gruden, qui est selon moi le meilleur analyste que j'ai vu à la télé depuis fort longtemps, là, même bien meilleur que John Madden, puis de loin, là, en tout cas. Hey, les boys, je vais quand même vous couper, on va revenir au football un petit peu plus. Hier, avec une installation judicieuse, j'ai réussi à avoir toutes les annonces du Super Bowl, parce qu'on le sait, au Canada, la chaîne Fox est obligée de diffuser la chaîne CTV, donc on avait droit aux annonces de Tim Horton et de Canadian Tire. Alors que avec, on, dans le fond, on a trouvé un, ce qu'on appelle un stream sur Internet, quelqu'un qui diffuse le match mm-hmm. avec l'image américaine. On a branché ça dans la TV, fait qu'on avait les deux. Fallait juste se lever puis changer le, la source quand les annonces arrivaient. Mais, j'ai été déçu par les annonces, j'ai été déçu par les publicités. À part quelques-unes qui étaient bonnes, je trouve que ça, on a passé énormément à côté du bateau, surtout à 3 millions par année. Ce matin, il y en a quelques-unes que je suis capable de te nommer, mais à part de ça, il y a rien. Il y avait tellement de il y avait beaucoup de publicité pour des films qui vont sortir cette année. Est-ce que c'est une bonne façon de plugger ça? Là, je veux dire, on est à 6 mois de ça, là. Je devrais voir cette publicité. Tu sais, je dis pas un film qui sort la semaine prochaine, mais dans, qui sort cet été, le film d'animation, il y en avait tout plein, là. Ben moi, j'ai vraiment aimé le fait qu'on nous mette Justin Bieber à toutes les poses d'en face. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Hey, mais non, t'es Justin, je l'ai pris tellement. Et c'est, les annonces de Madame étaient bonnes. Ouais, les annonces. Mais celle de Justin Bieber avec Ozzy était très drôle. Quand je vois Justin Bieber, je ferme mes yeux, je bouche mes oreilles puis je m'en vais ailleurs. Je trouve que c'est un pur produit de ce qu'on appelle des industries culturelles. C'est forcer les gens à aimer un produit, qu'il soit bon ou pas. Là, c'est pas ça qui est intéressant. Ah, il est dégueulasse. C'est de forcer les gens. Mais peu importe pour l'annonce qui était, c'était une annonce de Bass Buy et t'as Ozzy qui parle de cellulaire, pis là, Ozzy, je comprends pas, pis, et là, gars, Ozzy, tasse-toi, on va prendre Justin Bieber, Justin Bieber arrive, pis là, il tasse, pis là, Ozzy, il a l'air d'un grand-père qui se promène en arrière, finalement, il parle, pis là, là, t'as Sharon qui est là, what's a 4G, pis là, t'as Ozzy qui dit, what's a Bieber, pis en arrière, t'as Justin Bieber, déguisé en concierge, genre, avec une perruque, pis il dit, well, I don't know, but he looks like a girl. C'est Bieber qui se dit lui-même qu'il a l'air d'une fille, donc, très, très drôle. Donc, les annonces, j'imagine qu'on peut en trouver un peu partout sur YouTube ce matin. Il y a même des sites qui sont spécialisés là-dessus, qui font leur pain et leur beurre avec ça. Donc, faites vos recherches. Il était possible d'en voir quelques-unes avant l'émission. On les a mis sur la page Facebook de l'inconduit. Moi, j'ai beaucoup aimé celle de Volkswagen avec le petit Darth Vader. Ouais. C'était très bon. Mais il y en avait quelques-unes. Celle de Doritos aussi, là, le gars qui liche les doigts de ses collègues de travail, là, aussi. Un peu bizarre, allez voir ça. Hey, merci beaucoup, JP. Ça pas trop, les boys. Bonne semaine. Good, merci. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine, pour ce lundi. On se revoit vendredi. N'oubliez pas que le match des Patriotes de mercredi va être web diffusé sur cfou.ca et le match de samedi prochain va être sur les ondes de cfou 89.1. Donc, manquez pas ça. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se laisse en musique. On va aller écouter La Question avec la chanson Complique évident. Bonne journée tout le monde! Je me demande souvent si les journées